un travailleur manuel, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise ses mains pour travailler, un artisan. Un artisan. Un travailleur manuel, un artisan. Habituellement, c'est celui qui travaille en se louant, hein, en particulier un ouvrier agricole, quelqu'un qui se sert de ses mains. Mais la deuxième définition, ça c'est ça qui me plaît. Voilà. C'est allé où? Vous voyez? Mais c'est faible, hein? C'est la lumière, hein? Mais vous voyez quand même, non? Essayez un peu d'éteindre. Moi, je suis ici, je suis là. Vous voyez? Vous voyez pas bien, hein? C'est compliqué. On peut y aller, d'accord. La deuxième définition, je suis ici. Ça va? Celui qui fait. Un ouvrier, c'est celui qui fait. Le verbe faire est très, très important. Un ouvrier, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui parle. Oh, à la réunion là, je viendrai, ne vous en faites pas. Non, on n'attend pas les promesses de la part d'un ouvrier. On attend l'action de la part d'un ouvrier. Un ouvrier, ce n'est pas quelqu'un qui promet. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est fait. C'est quelqu'un qui fait plutôt. Autrement dit, un ouvrier, on le reconnaît par sa capacité à agir. L'action est le propre d'un ouvrier. Nous avons beaucoup d'ouvriers qui se disent ouvriers mais ne font pas. Quand vous le regardez dans la moisson, ils ne font rien. Ce qu'on attend d'un ouvrier, ce n'est pas qu'il soit là seulement. Ce qu'on attend d'un ouvrier, c'est qu'il soit là, mais qu'il soit actif. Dis à ton voisin, actif. Parce qu'on a beaucoup qui ont le titre d'ouvrier, mais qui ne sont pas actifs dans l'œuvre de Dieu. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait. C'est donc un travailleur. Par définition, un ouvrier, je suis ici. Un ouvrier, par définition, c'est un croyant qui, par amour pour le Seigneur, souligné amour pour le Seigneur. Un ouvrier est un croyant qui, par amour pour le Seigneur, s'investit pleinement dans la moisson et dans l'avancement du royaume de Dieu. Un ouvrier est un croyant qui, par amour pour le Seigneur, s'investit pleinement dans la moisson et dans l'avancement du royaume de Dieu. On va rester sur cette définition parce qu'il y a plusieurs éléments constitutifs qui sont clés. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Nous sommes dans une masterclass et dans une masterclass, il faut faire très attention avec les mots, avec le raisonnement parce que ici nous sommes dans une logique de réflexion. Je vous ai dit par définition qu'un ouvrier, c'est un croyant. Le premier élément constitutif pour être appelé ouvrier, c'est croire. Croire. Un ouvrier, c'est avant tout un croyant, pas un venant à l'église. Le dénominateur commun de nous tous, c'est que chacun de nous, à un moment donné de son parcours, a rencontré Jésus-Christ, a cru en lui comme Seigneur et Sauveur et marche avec lui. Si vous n'êtes pas croyant, vous ne pouvez pas être ouvrier dans le royaume. Je pensais que je disais quelque chose à quelqu'un ici. Je répète, si vous n'êtes pas un croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être ouvrier dans le royaume de Dieu. L'ouvrier, c'est avant tout un croyant, pas celui qui vient à l'église. Deuxième élément clé dans la définition de l'ouvrier, je dis, c'est un croyant, mais ça ne s'arrête pas là parce que voici la petite différence. Tout ouvrier est un croyant, mais tout croyant n'est pas nécessairement un ouvrier. Je reprends. Tout ouvrier est obligatoirement un croyant. Mais tout croyant n'est pas nécessairement un ouvrier. Qu'est-ce que je veux dire? Pour être ouvrier, il faut avant tout être un croyant. Mais il y a aussi des gens qui sont croyants, mais qui n'accèdent pas à la prochaine étape, qui ne servent pas. Paul a été sauvé, vrai ou faux? Après avoir été sauvé, Paul a été engagé dans la moisson, vrai ou faux? Vrai ou faux? Paul était un croyant, mais au-delà d'être croyant, Paul s'est investi dans l'œuvre de Dieu. Pierre a cru en Jésus-Christ. Au-delà de croire, il s'est investi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Le brigand sur la croix qui a été sauvé à la dernière minute, repêchage. N'est-ce pas que ce brigand a cru à la dernière minute? Hein? Mais est-ce qu'il s'est investi dans le royaume? Est-ce qu'il a servi? Voilà. Au ciel, et ça c'est la différence qu'il faut noter. Lorsque Jésus reviendra, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le croyant ne passe pas en jugement. Parce que le fait pour lui d'avoir cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça l'exempte du jugement. Mais le croyant passera par le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Il y a une différence entre jugement et tribunal. Les jugements derniers concernent ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi j'insiste sur le fait d'être croyant. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ passeront par le jugement. C'est ce que Acte dit. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont passés de la mort à la vie. Ils ne viennent point en jugement. Le jugement concerne uniquement ceux qui seront morts sans avoir cru en Jésus-Christ. Et ce jugement-là ouvre la porte à la condamnation éternelle. Tout celui qui passera par le jugement, la conséquence, ça sera la perdition. Jean 3,16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croyant, ne fasse pas quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Autrement dit, ceux qui ne croient pas, ils périront, et à la place de la vie éternelle, ils connaîtront le châtiment éternel. Ça, c'est le jugement dernier. Maintenant, nous qui avons cru en Jésus-Christ, ceux qui meurent en Christ ressusciteront au jour de l'enlèvement. À la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui seront encore vivants au moment où Jésus reviendra, au moment où le son de la trompette retentira, leur corps sera transformé et ensemble, nous allons monter. Mais il y aura après toute chose ce tribunal-là qu'on appelle tribunal de Christ. Attention! Le tribunal de Christ n'est pas le même que le jugement dernier. Le jugement dernier est un jugement pour fixer les sorts de ceux qui n'ont pas cru. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, conséquence, enfer, châtiment éternel. Mais dans le tribunal de Christ, il n'y a que les chrétiens, les croyants qui passeront par le tribunal de Christ. Le jugement dernier, c'est pour les non-croyants. Le tribunal de Christ, c'est pour eux. Les croyants. Maintenant, la question qu'il faille se poser, c'est ce tribunal-là, l'objet de ce tribunal, c'est quoi? C'est quoi la sentence? Parce que je vous ai dit que ceux qui croient, ils ne périront point. Ceux qui croient, ils ne passeront point par le feu éternel. Le tribunal de Christ ne sera pas un tribunal de condamnation, non, mais un tribunal de récompense. Dans ce tribunal, tous ceux qui passeront sont déjà sauvés. Tous ceux qui passeront par ce tribunal, à l'issue, ils ne connaîtront plus une sentence de condamnation. Ça ne sera pas qu'après ce tribunal, on vous dit, allez, vous allez en enfer. Non, ce n'est pas un tribunal de condamnation. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ce tribunal? Il y aura des récompenses. C'est ici qu'on va récompenser la fidélité dans l'œuvre. C'est ici qu'on va récompenser la victoire sur les tentations. C'est ici qu'on va récompenser la marche chrétienne qu'on a eue. Et c'est ici qu'on va disponibiliser les couronnes. Et il y a 4 types de couronnes qu'on va donner. Couronne de justice. Couronne de gloire. Couronne incorruptible. Couronne de vie. Chaque couronne va récompenser la manière dont on a servi Dieu. Chaque couronne va récompenser la manière dont on s'est comporté dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas seulement dire « Moi, je suis sauvé, ça suffit. » Non, tu es sauvé, ça suffit. Il y a des couronnes qui nous attendent. Il y a une récompense qui nous attend. Être sauvé est une bonne chose, mais servir celui qui nous a sauvés est mieux. Alléluia. Donc, c'est très important de connaître ces choses. C'est très important de connaître ces choses et de savoir que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu ne l'oublie pas. C'est ici que s'accomplit le texte qui dit « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Rémunérer, ce n'est pas d'abord vous donner beaucoup d'argent, ce n'est pas d'abord vous amener en Europe, ce n'est pas d'abord vous donner un bon mariage. La rémunération ici, c'est le fait de vous couronner, de vous récompenser pour vos loyaux services. Tout ce que vous avez enduré dans l'œuvre de Dieu, Dieu va vous le récompenser. Je suis en train de vous chercher la composition de ce couronne. Et ce que Dieu va donner à chacun de nous. Donc je disais, nous aurons une couronne de gloire, une couronne incorruptible, nous aurons une couronne de vie et une couronne de justice. Tout ça, Dieu va donner à ceux qui l'auront servi. Prenez par exemple 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Ici, on nous parle de la couronne de justice. Et prenez Apocalypse 2, verset 10, qui parle de la couronne de vie. Quelqu'un va nous préparer ces textes, on va les lire ensemble. Prenez 1 Corinthiens 9, 25, qui nous parle de la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. Couronne incorruptible. Ça va? Quelqu'un peut nous lire le premier texte? Ça va? Le premier texte, quelqu'un a ça pour nous lire rapidement, pour qu'on gagne en temps, sinon je vais rentrer dans la matière. Sentez-vous libre, hein, vous pouvez... Voilà, la couronne de justice va sanctionner le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais une couronne de justice m'est réservée. Tous ceux qui vont garder la foi à la fin, ils auront cette couronne de justice. Et puis il y a la couronne de vie. Bon, lisez le texte et puis vous allez comprendre pour que je gagne en temps. Donc je disais, un ouvrier c'est d'abord un croyant. Pas seulement un croyant, parce que l'étape primaire, c'est croire. Ici, je vais quand même dire quelque chose qui va peut-être vous troubler, mais je pense que c'est la vérité. Le salut n'est pas la finalité du plan de Dieu. Alléluia. Le salut n'est pas la finalité. Tout comme la naissance n'est pas la finalité de la vie. La naissance, c'est le début de la vie. Après la naissance, il y a la croissance, il y a le travail, il y a la vieillesse, il y a l'atteinte des objectifs. La nouvelle naissance aussi, c'est le premier pas dans la vie du croyant. Ne considérez pas la nouvelle naissance comme la fin. Vous êtes sauvé, ça ne suffit pas. Vous êtes sauvé, il y a maintenant le service pour Dieu. Vous êtes sauvé, il y a maintenant l'œuvre de Dieu qu'il faut faire. Vous êtes sauvé, il y a maintenant une vie d'adorateur qu'il faut mener. Alléluia. Donc, la différence qu'il y a ici, c'est que nous avons des croyants minimales et des croyants minimum et des croyants maximum. Un croyant minimal, c'est qui? C'est « je suis sauvé, ça suffit ». Mais un croyant maximal, c'est celui qui dit « je suis sauvé, mais est-ce que je peux encore progresser ?» C'est pourquoi Pierre dit « croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Après la nouvelle naissance, il y a la croissance. C'est ainsi qu'un ouvrier, au-delà d'être un croyant, c'est quelqu'un qui s'investit pleinement. J'aime beaucoup ça. Il s'investit pleinement. Il ne s'investit pas à moitié. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la plupart ou certains des aspects de notre service s'arrêtera sur la terre. S'arrêteront sur la terre. La plupart des choses que nous faisons pour Dieu ici, ça ne nous suivra pas au ciel. Au ciel, on ne va pas évangéliser. Au ciel, on ne va pas chasser des démons. Au ciel, il n'y aura pas un service de suivi des âmes. Non, au ciel, il n'y aura que la louange et l'adoration. C'est l'activité que nous commençons faiblement sur la terre, mais qui nous poursuivra. C'est pourquoi le Père cherche des vrais adorateurs. C'est-à-dire que l'évangélisation, prière, chasser les démons, aller évangéliser, ce sont des services qui vont s'arrêter ici-bas. Si vous manquez l'occasion de le faire pleinement ici-bas, il n'y aura pas de rattrapage au ciel. Vous pouvez peut-être vous rattraper dans l'adoration. Si ici sur la terre, votre adoration était faible, sachez qu'au ciel, toute notre vie auprès de l'agneau, ça sera dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu ». Mais au ciel, on n'évangélise pas. Au ciel, on ne gagne pas les âmes. S'il faut gagner les âmes, c'est pendant notre vie sur la terre. S'il faut servir Dieu, c'est pendant notre vie sur la terre. S'il faut ouvrir des extensions, des églises, c'est pendant notre vie sur la terre. Au ciel, il n'y a pas d'église à ouvrir. C'est pourquoi vous n'avez que votre vie sur la terre pour servir pleinement. Parce que au ciel, que vous le vouliez ou pas, vous allez seulement servir. Parce qu'au ciel, il n'y a rien d'autre à faire. Nous serons dans un environnement de service et d'adoration. Quand vous comprenez ces choses, vous comprenez alors que chaque minute compte dans la présence de Dieu. Chaque temps que Dieu vous donne est une opportunité pour le servir pleinement. Alors ne gaspillez pas. 10 minutes que vous gaspillez, 1 heure que vous gaspillez, vous êtes en train de vous empêcher de vous investir dans le royaume de Dieu. Il s'investit dans la moisson et dans l'avancement du royaume. Deux, royaume. Deuxième mot-clé, c'est royaume. On va aller rapidement. Le mot royaume, utilisé pour la première fois dans ce texte de Genèse 20, verset 9, il est question d'Abimelech, vient de l'hébreu mamlaka. Mamlaka. Le mot est ici. Mamlaka, c'est le mot qui a donné royaume. Mamlaka. Mamlaka signifie règne, souveraineté ou encore domination. Le mot royaume évoque donc une autorité ou un pouvoir qui s'exerce dans un espace. Autorité ou pouvoir qui s'exerce dans un espace. Alors, parlant de Dieu, le royaume, c'est quoi? Ça, je voulais vraiment que tout le monde puisse noter la définition. S'agissant de Dieu, voilà. S'agissant de Dieu, le royaume désigne un domaine où s'exerce le pouvoir gouvernemental de Dieu. Que ton règne vienne. Ça, c'est la prière de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne. Il y a un règne au ciel, mais on invite ce règne sur la terre. C'est-à-dire, le royaume, c'est l'espace, le domaine dans lequel le pouvoir de Dieu s'exerce. Et ce royaume est caractérisé par l'autorité de Dieu qui est établie et reconnue officiellement. Autorité de Dieu établie et reconnue officiellement sur la terre. Notez aussi cette deuxième définition. Le royaume de Dieu, c'est la sphère. On va passer tout ça pour gagner en temps. C'est la sphère où l'autorité de Christ et les droits de Christ sont reconnus. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où l'autorité... On peut passer? Voilà, c'est ici. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où les droits de Dieu ou de Christ le roi sont reconnus. Et comme vous savez, la plupart ont prêché le royaume de Dieu. Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, verset 2, a prêché l'évangile du royaume. Jésus lui-même, quand il est venu, son message était simple. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais ici, je vais faire une différence. Vous ne le voyez pas dans les notes. Ça, c'est le bon côté d'être au cours. La différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Qui peut tenter? On est dans une classe. Hein? Qui peut tenter de faire la différence entre royaume des dieux et royaume des cieux? Bien que ça part de la même chose, mais il y a une petite nuance. Qui peut tenter? Oui, mon frère. Non. Zéro avec les oreilles. C'est pas ça. Qui d'autre peut tenter? Sigo Bokumu Banga. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Il y a une maman qui veut tenter. Maman dit, passez un gamin en bas classe, c'est le sac là. Oui, donnez à mon frère. Oui, royaume de Dieu, qui peut tenter? Oui, papa peut tenter. Il y a une réponse de l'autre côté. Oui, donnez à maman. Ne vous en faites pas, c'est une classe. Même si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Merci, pasteur, pour, oui, maman. Pour la parole accordée. Le royaume des dieux, c'est là où l'autorité de Christ est exercée. Mais les royaumes des cieux, là où nous voyons les autres puissances, les dominations, les autorités. Tu avais bien commencé, je te donne quand même 5 sur 10. Merci. Parce que Jésus dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, mon frère. Rapidement, rapidement, on gagne l'entente. Le royaume des cieux, c'est ce qui viendra. C'est ce qui va venir après l'enlèvement. Mais le royaume de Dieu, c'est le domaine dans lequel Dieu règne. Super. Le royaume de Dieu, c'est la façon de gouverner de Dieu. Mais le royaume des cieux, c'est le domaine, c'est l'espace dans lequel Dieu va manifester ce règne. En d'autres termes, dans le royaume des cieux, il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la façon de gouverner de Dieu. Tandis que le royaume des cieux, c'est l'espace. C'est la raison pour laquelle le royaume des cieux est à la fois une réalité à venir, comme mon frère l'a dit, après toute chose, le royaume des cieux viendra, mais c'est aussi une réalité qui est au milieu de nous. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Dans le royaume des cieux évoque l'espace, alors que le royaume de Dieu fait référence à la politique de gouvernement de Dieu, à la façon de faire de Dieu. C'est un peu comme si aujourd'hui, moi je deviens président de la République démocratique du Congo. C'est un exemple, hein? Je n'ai pas l'intention de postuler. Si je deviens président, vous pouvez dire le gouvernement ou encore la RDC du pasteur Trésor ou encore la politique du pasteur Trésor. Et par ma politique, vous allez voir mes priorités, mes choix, ma façon de faire. Mais ma politique s'exerce dans un royaume, dans un espace qu'on appelle RDC. RDC, c'est l'espace dans lequel ma vision, ma politique s'exerce. Le royaume des cieux, c'est ça, c'est l'espace dans lequel le royaume de Dieu se manifeste. Regardez, Matthieu a toujours parlé du royaume des cieux. Vous voyez l'expression royaume des cieux plusieurs fois dans Matthieu. D'ailleurs, beaucoup disent que Matthieu, c'est l'évangile du roi et du royaume, royaume des cieux. Mais l'unique fois où Matthieu a parlé du royaume de Dieu, c'est très parlant, c'est dans Matthieu, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux ou des cieux. Ce texte est fondamental parce que c'est l'unique apparition de l'expression royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Partout ailleurs, lorsque Matthieu parle de royaume, c'est toujours royaume des cieux. Mais ici, il veut donner une grande différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. » Parce que lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on voit les qualités de Dieu comme la justice, c'est la façon de Dieu de gouverner. Or, on sait que Dieu gouverne toujours avec justice, fidélité et équité. Tandis que le royaume des cieux fait référence au domaine, à l'espace dans lequel Dieu va imposer son règne. Est-ce que c'est clair? Super. Alors, avant de toucher le deuxième chapitre, notez ces quelques vérités sur l'ouvrier et le royaume. Première vérité à noter, il est question de l'œuvre et du royaume de Dieu. Ça, c'est une vérité importante. Si nous sommes ouvriers, nous ne devons pas ignorer qu'il est question avant tout de l'œuvre. Vous êtes perdus, hein? Vérité, on est déjà dans vérité. Il est avant tout question de l'œuvre et du royaume de Dieu. Voilà. Il est question de l'œuvre et du royaume de Dieu. Pourquoi j'insiste sur cette vérité? Parce qu'il y a des gens qui pensent que être ouvrier à l'église, c'est une faveur qu'ils font au pasteur. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que venir servir à l'église, c'est une façon de nous récompenser, nous, pasteurs. Ce n'est pas nous qui vous avons engagés, c'est Dieu. Vous n'êtes pas là pour faire avancer notre œuvre. Cette église, ce n'est pas l'œuvre de Papa Désiré. Cette église, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites pour faire avancer cette œuvre, vous le faites pour le boss des boss, c'est Dieu lui-même. Il est question de l'œuvre et du royaume de Dieu. C'est-à-dire, notre service n'est pas important parce que c'est nous qui l'accomplissons. Notre service est important parce qu'il s'agit du travail et de l'œuvre de Dieu. Alors, beaucoup de passages montrent clairement qu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Matthieu 9, 38 dit, c'est la moisson du Seigneur, pas la moisson d'un homme. Matthieu 20, verset 1 dit, nous travaillons dans sa vigne, pas dans la nôtre. C'est la vigne du Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 9 dit, il s'agit de l'édifice des dieux et du labourage de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 16, 10 dit, c'est l'œuvre du Seigneur, pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur. Colossiens 4, verset 1 dit, nous sommes des compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Alors notez cette vérité. Sur cette terre, il n'y a aucune entreprise qui soit plus grande que celle de Dieu. Coca-Cola est une firme internationale. Microsoft. Aujourd'hui, Apple ou même Amazon font partie des grandes entreprises. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme GDP? GDP. GDP. C'est en anglais. Ce sont de grandes entreprises. Je vais vous donner leurs chiffres d'affaires. GDP. Gross Domestic Product. C'est ça le GDP. Et actuellement dans le monde, ça c'est les dernières recherches que j'ai eu à faire, les GDP, ce sont de grandes entreprises qui se traduisent par un PIB élevé, produit intérieur brut. Il s'agit là d'un indicateur qui mesure la richesse totale qui est produite par l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 4 compagnies qui ont des chiffres d'affaires imposants. En tête, il y a Amazon. C'est que j'ai, les statistiques que je vous donne, c'est depuis 2023. Je n'ai pas pu faire 2024 et 2025. Mais en 2023, Amazon apparaît en tête de cette GDP. Actuellement, quand je dis actuellement, c'est en 2023, Amazon était considéré comme la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne avec un chiffre d'affaires qui avoisine 574,78 milliards de dollars. J'ai dit parfois en congolais. 574,78 milliards de dollars. Ça, c'est Amazon. Après Amazon, le deuxième, c'est Apple. Apple, au quatrième trimestre de 2023, l'entreprise a engrangé un chiffre d'affaires de 119,6 milliards de dollars. Microsoft, lui, a réalisé 62 milliards. Et puis Google a réalisé 86 milliards, un peu moins que Apple. Et Apple a réalisé un bénéfice net de 39,9 millions de dollars en une année, contre 22 milliards pour Microsoft et 20 milliards pour Google. Troisième GDP, Facebook. À la clôture de l'année 2023, les recettes ont totalisé 40,11 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Et ils ont atteint 134,90 millions de dollars pour l'ensemble de l'année. Alors, je ne sais pas votre entreprise est à combien. Bon, c'est la caca. Ça, ce sont des grosses pacifiques. Toi, tu as combien? Que Dieu t'aide à atteindre des milliards au nom de Jésus. Mais la vérité, c'est quoi? Que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit tout ce que vous voulez, aucune de ces entreprises n'est plus noble que l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur ne s'évalue pas en termes de milliards. L'œuvre du Seigneur s'évalue en termes d'éternité. Les milliards s'épuisent, mais la vie éternelle ne s'épuise pas. Nous ne sommes pas en train de servir pour quelque chose de périssable. Nous sommes en train de servir une cause éternelle. L'argent terminera, mais la vie éternelle ne terminera pas. Ça, c'est le bon côté dans l'œuvre de Dieu. Nous ne servons pas pour les biens corruptibles. Nous servons pour les biens incorruptible. Ça veut dire que Dieu ne nous paye pas en argent. Non, attention. On ne peut donner que ce qu'on a vrai ou faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, disent « Seigneur, moi je vais m'enfermer dans ma chambre, j'ai besoin d'un miracle. » Et c'est quoi le miracle? Que les papiers que je vois ici se transforment en argent. Même Jésus lui-même n'a pas transformé les pierres en pain. Toi tu veux que les papiers se transforment en argent. Dieu nous a donné le canal par lequel nous serons bénis, c'est le travail. Travaillez, vous aurez de l'argent. Et Dieu, quand il nous bénit, Dieu nous donne plus des opportunités, Dieu nous donne sa grâce, afin que sa grâce puisse nous accompagner dans tout ce que nous allons faire au quotidien de notre vie. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucune entreprise sur cette terre qui soit plus grande que celle de notre Seigneur. Deuxième vérité. Être avec Dieu est plus important que travailler pour Dieu. Être avec Dieu est plus important que travailler pour Dieu. En d'autres termes, être avec Dieu est le fondement de notre service. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu loin de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu sur un autre fondement. Être avec Dieu est plus important que travailler pour Dieu. Notez cette vérité, s'il vous plaît. Le Seigneur se réjouit, bien sûr, lorsque nous faisons quelque chose pour lui. Il nous encourage lorsque nous gagnons les âmes pour lui. Mais n'oubliez jamais que votre relation personnelle vient avant votre service. Dieu est plus impressionné par la qualité de votre relation que la quantité de vos résultats dans le service. Ce que vous êtes pour Dieu vient avant ce que vous faites pour Dieu. Dieu privilégiera toujours la relation en lieu et place du service. Beaucoup de gens présentent le service comme un appât. Non. Regardez la différence qu'il y a entre Marthe et Marie. Marie était au pied du Seigneur, Marthe était dans la cuisine. Marthe était occupée à faire beaucoup de choses pour le Seigneur, ce qui n'est pas mauvais. Mais à la fin, Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est quoi? C'est rester au pied du Seigneur, écouter le Seigneur et solidifier sa relation avec le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Le service ne fait pas grandir. C'est la parole qui fait grandir. Vous pouvez passer toute votre vie en train de servir et à la fin, vous êtes un bébé spirituel. Ce qui vous fait grandir, c'est votre qualité des relations, c'est votre cœur, c'est votre vie de foi avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, au lieu de passer du temps à servir, passez du temps dans la présence de Dieu. Et servez ensuite. Troisième vérité. Le royaume est inclusif maintenant. Troisième vérité. Je suis en train de sauter certaines choses hein, pour qu'on gagne en temps. Le royaume est inclusif maintenant. Il sera exclusif demain. Le royaume est inclusif maintenant. Il sera exclusif demain. Quelqu'un peut expliquer cette phrase? Le royaume est inclusif maintenant. Il sera exclusif demain. Quelqu'un peut expliquer ça? Revenez, s'il vous plaît. Voilà, c'est là. Le royaume est inclusif maintenant, il sera exclusif demain. Qui peut tenter? On est dans une classe, hein? Je ne suis pas en train de vous prêcher. Il faut qu'il y ait une partie. Oui, oui, papa. Donnez à papa le micro. C'est-à-dire, tout le monde peut avoir accès au royaume de Dieu. Mais ce jour-là, il n'y a que les croyants. Le lendemain, ce ne sera plus tout le monde, sauf ceux qui ont cru, qui ont servi le Seigneur, qui étaient avec lui, qui auront droit, qui auront l'accès au royaume. Merci papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous faire comprendre ça, c'est exactement ce que papa a dit. Vous voyez l'arche de Noé, N'est-ce pas que l'arche de Noé, à un moment, avait les portes ouvertes? N'est-ce pas que Noé a invité les gens à les rejoindre dans l'arche? Oh. Oui, oui, oui. C'est ça, non? Mais non. Est-ce que la porte de l'arche est restée ouverte tout le temps? À quel moment cette porte s'est fermée? Quand la pluie a commencé. Ça veut dire qu'au moment de l'invitation de Noé, l'arche était inclusive. C'est-à-dire, les portes étaient ouvertes pour accueillir tout le monde. Mais lorsque Dieu a fermé la porte, parce que la porte de l'arche a été fermée par Dieu lui-même, lorsque Dieu a fermé la porte et que la pluie, le déluge a commencé, n'est-ce pas que les gens ont frappé pour entrer? Mais est-ce que c'était possible? Là, l'arche est devenue exclusive. Exclusive, c'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas répondu à l'invitation se retrouvent exclus. Seuls ceux qui avaient accepté avant se retrouvent à l'intérieur. Le royaume de Dieu est inclusif signifie aujourd'hui la grâce est pour tout le monde. L'évangile est offert pour tout le monde. Le salut est offert à tout le monde. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça c'est Tite chapitre 2 verset 11. La grâce est pour tout le monde, c'est-à-dire la grâce est disponible pour tout le monde. Ça, c'est l'aspect inclusif. Mais lorsque Dieu va juger que la fin de toutes choses est arrivée et que ça sera la fin, tous ceux qui n'auront pas rejoint le royaume par la foi, ils ne pourront plus le rejoindre après. Le royaume est ouvert aujourd'hui, mais il sera fermé demain. C'est-à-dire, c'est maintenant que nous devons prêcher l'évangile. C'est maintenant que nous devons évangéliser. C'est maintenant que nous devons ouvrir des extensions parce que nous sommes encore dans un temps où le royaume est inclusif. Il y aura un temps où, peu importe ce qu'on va faire, le royaume sera exclusif. Et là, même si vous prêchez, ça ne servira plus à rien. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de servir pleinement les seigneurs maintenant. Quatrième vérité. Chaque croyant est concerné par l'œuvre du Seigneur. C'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire qui concerne les pasteurs ou les responsables. Ce n'est pas une affaire qui concerne les départements. C'est une affaire qui nous concerne tous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 15 verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On parle des croyants. Paul est en train de s'adresser ici aux frères corinthiens. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur et chacun de nous est ouvrier. Plus tard, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3, il va dire qui est Paul, qui est Apollos. Paul a semé, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu, de telle sorte que ce n'est pas celui qui sème, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui est tout en tous. Et nous, nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Quatrième vérité. Cinquième, je pense. Pour l'avancement du royaume et de son œuvre, Dieu équipe toujours chaque ouvrier des capacités, des talents, des grâces et des tâches. C'est ici que je rejoins notre thème. Pour l'avancement du royaume et de son œuvre, Dieu équipe toujours chaque ouvrier des capacités, des talents, des grâces et des tâches. Matthieu 25, 14 à 15. C'est-à-dire que pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie et que le royaume de Dieu puisse avancer convenablement, Dieu dote ses serviteurs des capacités, des dons, des talents. Tout ce que Dieu vous donne, c'est pour faire avancer l'œuvre. Dieu ne vous donne pas des talents pour vous enorgueillir. Dieu ne vous donne pas des talents pour devenir la star à l'église. Dieu ne vous donne pas des talents pour devenir le sujet d'approbation ou d'acclamation. Dieu vous donne des talents, des capacités pour que l'œuvre de Dieu entre vos mains puisse prospérer. Et vous devez savoir que ce que vous avez reçu doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et là encore, j'aimerais dire quelque chose. Nous ne recevrons pas tous la même chose ou la même quantité. Dans Matthieu 25, qu'on n'a pas lu, que vous connaissez certainement, à l'un, Dieu a donné 5, à un autre, il a donné 2, à un troisième, il a donné 1 talent. Il a donné à chacun selon sa capacité. Est-ce que tu peux le répondre après moi? Selon sa capacité. C'est lui qui a reçu 5, il ne l'a pas reçu parce qu'il est plus que les autres, non. C'est lui qui a reçu 5 est un ouvrier capable de gérer 5. C'est lui qui a reçu 2, il est capable de gérer 2. Il y a dans l'église comme ça des gens à qui Dieu a donné 5. Ne soyez pas jaloux, il est capable de gérer 5. D'autres personnes, il a reçu 2. Si vous lui donnez 5, vous les tuez. D'autres personnes ont reçu 1. Si vous les donnez plus, vous allez les tuer. Laissez-les avec les 1. Pasteur Désiré, j'oublierai jamais la première fois que j'ai eu, je crois que c'était $300 dans ma vie. Je devais être encore élève, j'ai eu une bourse. Ah, mais j'ai fait une folie. $300 entre les mains. J'ai pris d'abord $100. J'ai pris un taxi de Bandal jusqu'à la gare centrale. Je faisais que de tout. Je ne savais pas ce que je faisais. Et puis, j'achetais n'importe quoi. Et puis finalement, le taximen qui me... En fait, le taximen m'a conduit au moins 3 fois. Il s'est rendu compte que j'étais le même client. Après, à la fin, il m'a dit, mais papa, vous avez le gros salaté. Pour la troisième fois, dans mes maillots. Et puis, c'est le même trajet. Je lui dis, yo vandaki, miamu kolombongo, oliambongonaï. Vous voyez, j'ai $300 m'ont troublé. À l'époque, hein. Il y a des gens comme ça, donc il faut seulement les laisser avec son talent là, son seul talent. Si vous lui donnez 3, c'est fini. Parce qu'il y a des gens, si vous leur donnez cette église, c'est fini. Hein. Il devient pape. Oui. Frères et sœurs, attention. Dieu nous donne selon nos capacités. Quand Dieu vient te donner une force, il tient compte aussi de tes limites. Il ne te donnera pas au-delà, il ne te donnera pas en dessous, il te donnera vraiment ce qu'il te faut. Beaucoup de gens sont en train d'envier les autres, mais ils ne savent pas. Celui que tu envies, tu ne sais pas par quelles épreuves il est passé, tu ne sais pas quel entraînement il a subi. Dieu nous donne toujours selon nos capacités. La vérité suivante. La moisson est grande. Je suis en train de sauter d'autres. Vous allez les trouver dans les notes. La moisson est grande. Ça, c'est une grande vérité que chaque ouvrier doit comprendre. La moisson n'est pas petite. La moisson est grande. Jean chapitre 4, verset 35. La moisson est grande. Prenez aussi Matthieu 9, verset 36 à 38. La moisson est grande, je dirais même très, très grande. Quand je dis la moisson est grande, regardez seulement la quantité des gens qui meurent. En commençant par votre famille. Regardez seulement les incompréhensions qu'il y a dans votre famille. Regardez, je ne sais pas si dans votre famille, tout le monde est chrétien. Je ne sais pas si dans votre famille, tout le monde a une marche conforme à la volonté de Dieu. Mais le champ commence d'abord chez nous, dans notre maison, dans notre famille. Et elle s'étend. Vérité suivante. Il existe une récompense attachée à chaque service que nous rendons. Il existe une récompense. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, On a lu ça tout à l'heure. Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur. J'aime la phrase qui suit. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu n'est débiteur de personne. Il va vous payer ça. Tout le temps que vous passez dans son œuvre, tous les sacrifices dans son œuvre, Dieu vous le récompensera. De Chroniques 15, 17, la Bible dit, « Vous donc fortifiez-vous, et que vos mains ne soient point lâches. » J'aime ce qui suit. « Car il y a une récompense pour ce que vous ferez. » J'ai dit « Amen. » « Fortifiez-vous, et que vos mains ne soient pas lâches, car il y a une récompense pour ce que vous ferez. » Et je parle d'une récompense ici-bas, mais il y aura aussi une récompense au ciel. Un jour, l'apôtre Pierre, il pose la question à Jésus, il dit, « Maître, nous avons tout quitté, nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour nous ?» Jésus lui dit, « Tout ce que vous avez perdu, vous allez les retrouver au centuple, mais au-delà de ça, il y a la vie éternelle. » Frère, il y a une récompense au ciel, mais il y a aussi une récompense ici. Par exemple, ceux qui servent Dieu ont un héritage. J'ai été jeune, dit David, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manquant son pas. Une autre récompense qui s'attache, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Une autre récompense, Dieu dit, serre-moi et j'éloignerai de toi la maladie, j'éloignerai de toi toutes sortes de fléaux. Lorsque vous servez Dieu, vous êtes en train de, un peu comme on dit en lingala, et Dieu n'est débiteur de personne, Dieu voit ça. Et Dieu récompensera. Votre travail ne sera pas vain pour la gloire de Dieu. Vérité suivante. Dans les notes, c'est neuf, hein? Dans les notes, c'est neuf, mais j'ai un peu bouleversé. Dieu lui-même s'occupe des résultats. Ça, c'est bien dit. Frères et sœurs, vous servez seulement. Faites l'essentiel. Les résultats, c'est Dieu lui-même. Paul dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? Qui fait croître? Ecclésiaste 11, verset 6. Le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous les deux seront également bons. Ça signifie que quand nous on sert Dieu, ce n'est pas à nous de garantir les résultats. Notre travail, notre responsabilité, c'est de nous donner à fond. C'est de travailler comme il faut. C'est de rester à notre poste. Les résultats, c'est la part de Dieu. Les résultats, c'est l'œuvre de Dieu. Et je suis en train de prier le Seigneur pour que, vraiment, cette année qui est en train de terminer et la prochaine qui va arriver, qu'il y ait des résultats divins dans tout ce que vous allez faire. Tu vas évangéliser, c'est Dieu qui va toucher les cœurs. Tu vas prier pour les malades, c'est Dieu qui va guérir. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Toi, fais ta part. On te demande de prêcher. Prépare bien ton message. Prépare bien ta prédication. Fais l'œuvre de Dieu. On te demande de chanter. Prends ça au sérieux. Fais bien l'œuvre du Seigneur. Les résultats, c'est Dieu. Dixième vérité, selon mon économie ici, je ne sais pas vous en êtes à combien, mais dixième vérité, il faut servir par amour et non par contrainte. Un ouvrier doit servir par amour, pas par contrainte. À la fin de son ministère terrestre, Jésus pose à Pierre la question trois fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Trois fois. J'ai beaucoup aimé cette conversation parce que c'est la dernière conversation entre Pierre et Jésus sur la terre. Jésus et Pierre ont eu plusieurs face-à-face. Ça, vous le savez. Il y a par exemple le face-à-face de Matthieu 16. Pierre va dire, tu es le fils de Dieu, le Messie, le Christ. Jésus va lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang, mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et notre face à face, c'est dans Matthieu 17, montagne de transfiguration. Pierre va dire à Jésus, veux-tu que nous puissions faire trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et puis la voix va se faire entendre à partir du ciel, disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Mais la dernière conversation, le dernier face-à-face entre Pierre et Jésus, c'est dans Jean 21. Et la question que Jésus lui pose, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Ça, c'est une bonne chose parce que paître les brebis, c'est l'œuvre. Paître les brebis, c'est le ministère. Mais en amont, il y a l'amour de Dieu. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu ne paies pas mes brebis pour avoir la graisse de ces brebis. Tu paies mes brebis parce qu'en amont, il y a un amour pour moi qui motive ça. Paître les brebis, vous pouvez remplacer ça par tout ce que vous faites pour Dieu. C'est pourquoi je dis, le service pour Dieu doit venir en aval, mais l'amour de Dieu doit venir en amont. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le service doit venir en aval, mais l'amour doit venir en amont. Si tu m'aimes, prends mes brebis. Tu ne peux pas bouleverser l'ordre. On ne peut pas prétendre servir Dieu pour l'aimer ensuite. Mais on doit d'abord aimer Dieu pour le servir ensuite. La motivation principale dans l'œuvre du Seigneur, notez s'il vous plaît, c'est l'amour de Dieu. La question que je vous pose, qu'est-ce qui vous motive? La contrainte ou l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui vous motive? La récompense ou l'amour du Seigneur? Regardez seulement là où vous travaillez. Je ne sais pas où vous travaillez. Mais si dans votre travail, on enlève la rémunération que vous gagnez, est-ce que demain vous allez continuer à travailler? Toloba vérité. Vous voyez que beaucoup de gens travaillent par contrainte. Même lui, mon fils que j'ai amené ici, Patrick, là oui, il travaille au musée. Lui-même, il dit, je suis fatigué. D'ailleurs, il y a des jours où il ne part pas. Je l'ai amené ici, il est en mission. Donc, il est plus motivé par l'œuvre du Seigneur. Ça dit qu'il y a des gens ici, ils sont seulement en train de travailler parce qu'à la fin, Kanyaka, si vous enlevez l'argent, il ne viendra plus. Alors, ça ne doit pas être comme ça dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui viennent servir Dieu parce qu'il y a des promesses. Nous ne servons pas un Jésus économique, nous servons un Jésus messianique. Le Jésus économique, c'est le Jésus qui bénit. Le Jésus messianique, c'est le Jésus qui sauve. Si on enlève le côté économique dans l'évangile, est-ce que vous allez encore croire? Et je n'aime pas qu'on prêche un messie économique, un évangile économique. Prêchons un évangile messianique. Il ne faut pas dire aux gens, venez parce que Jésus bénit, venez parce que Jésus sauve. Ce n'est pas parce que Jésus bénit que nous devons venir. Il y a des moments où Jésus ne bénit pas, mais ça n'enlève pas la qualité du Dieu qui pourvoit. Bethléem peut ne pas donner du pain, mais ça reste Bethléem. Il peut y avoir famine à Bethléem, mais Bethléem reste à la maison du Père. Attention, l'identité de Jésus ne changera pas en fonction de ses actions. L'identité est liée à sa nature. Il n'est pas Jéhovah Rapha parce qu'il guérit. Il est Jéhovah Rapha même avant la guérison. Ce n'est pas parce qu'il a guéri qu'on doit l'appeler Jéhovah Rapha. Non! Et puis, c'est les hommes qui ont constaté ça, qui l'ont appelé Jéhovah Rapha. Lui-même, il n'a jamais dit ça. Lui, il a dit, c'est moi, je suis. C'est-à-dire, je suis capable de prendre toute forme de votre problème. Si c'est la maladie, je deviens Rapha. Si c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est lui qui a dit, je suis, il peut prendre cette forme-là. Donc, venons pour Dieu, par amour pour Dieu, plutôt que par rapport aux avantages et aux récompenses. Qu'est-ce qui nous attire le plus? C'est la main du Seigneur ou le cœur du Seigneur? Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. De tout ce que Salomon pouvait demander, il ne demande pas la mort de ses ennemis, il demande la sagesse. Galates chapitre 5, verset 13. Par amour, dit Paul, servez-vous l'un l'autre. 2 Corinthiens 5, 14 et puis 20. L'amour de Christ nous étreint. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La dernière vérité avant de prendre la pause, Notre temps de service pour Dieu sur la terre est limité. Ça, c'est une vérité fondamentale. Notre temps de service pour Dieu, frères et sœurs, nous n'aurons pas toute la vie pour servir. C'est pourquoi David dit, apprends-moi à compter mes jours, que je sache combien je suis fragile. Ça, c'est le psaume 90. Non, ce n'est pas le psaume 90. Oui, le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous puissions en acquérir un cœur sage. Tu as donné à ma vie la largeur d'une main. Le psaume 90, c'est le psaume de Moïse, pas celui de David. Le psaume de David, je crois que c'est le 45, si ma mémoire ne me trahit pas. Il dit, Éternel, révèle-moi quel est le terme de ma vie, afin que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à ma vie la longueur d'une main. Il dit, tout homme debout n'est qu'un souffle. Enseigne-moi. Est-ce que vous comprenez cette prière? C'est David, s'il vous plaît. Psaume 45, si je ne me trompe pas. Il dit, enseigne-moi à comprendre quel est le terme de ma vie. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Fragile. Aide-moi à comprendre combien je suis fragile. Celui qui prie comme ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi David. Frère, si vous êtes roi, quelle doit être votre prière selon les hommes? Est-ce qu'un roi peut vraiment prier pour qu'on lui apprenne combien il est fragile? Est-ce qu'un roi peut prier pour savoir compter ses jours? Le roi prie pour avoir une longue vie. Le roi prie pour avoir un trône plus stable. Le roi prie pour avoir plus de force. Mais David, quoique roi, il reconnaît la brièveté de la vie. Je suis roi aujourd'hui, mais il faut que je sache que ma vie est semblable à la paume d'une main. Je suis passager. Frère, la vie est un voyage qui a commencé. Mais qui dit voyage dit aussi destination. Un jour, la vie va s'arrêter. Si la vie est un voyage, la question que je nous pose, où allons-nous? Où allons-nous? Parce que même si vous voyagez, vous allez dans un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles ou même 39 étoiles. Peu importe le luxe qu'il y a dans cette chambre, ce n'est pas chez vous. Vous allez quitter. C'est la raison pour laquelle personne ne se soucie de la chambre d'hôtel. Vous vous investissez pour une chambre d'hôtel. Ce n'est pas chez vous. La terre, ce n'est pas chez nous. Même si c'est beau, même si c'est attirant, même si la terre a tout ce qu'il y a, ce n'est pas chez nous. La terre est comme la chambre d'hôtel. Chez nous, c'est au ciel. Nous allons quitter la terre. Au lieu d'investir pour la terre, il faut investir pour le ciel. Parce que notre voyage est limité. Pour certains, c'est 100 ans. Pour d'autres, c'est 80. Pour quelqu'un d'autre, c'est 50. Pour mon cousin qui nous a lâchés il y a 4 ans, il n'a vécu que 33 ans. À la 33e année, un accident et il décède. Un valeureux papa de l'église, je parlerai toujours de lui. Il nous a quittés il y a 2 ans. J'étais à son chevet en Afrique du Sud quand ce cancer l'a envahi. Un homme fort. Et il est parti. Une 50aine d'années. Ça veut dire que vous n'avez que votre vie pour servir Dieu. Vous n'aurez pas une autre occasion après la vie. Frères et sœurs, je ne sais pas combien d'années il nous reste, vous et moi. Mais ma prière est que les années qui nous restent à vivre, que nous puissions les capitaliser pour servir Dieu sérieusement. Et ne plus jamais perdre du temps. Voilà, on va prendre une pause et puis on va reprendre avec le deuxième chapitre et finir. La pause peut avoir 5 minutes. 5 minutes et puis on reprend en 25 minutes, je termine les 2 chapitres. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Merci. Oh, que c'est très beau, que c'est des enseignements comme ça. Nous prenons une petite pause de 5 minutes. Il y a de l'eau, il y a le jus, le sucré. C'est la pause café, 5 minutes. Vous vous dégourdissez un peu les jambes et vous prenez quelque chose. Et dans 5 minutes, nous nous rasseyons pour continuer jusqu'à 11h30 et on va terminer. Alors on peut se mettre debout, nous sommes dans une classe, soyez cool, il n'y a pas de souci. On a 5 minutes. Josa ya kuri ya baba. Hapana tuna pose na Aisha unaenda kuri. Kwa unaenda kuri hapa sasa. C'est comme ça que ça se passe. Ok, nous pouvons récupérer nos places. C'est comme ça la pause café ou eau est terminée. Vous pouvez garder avec vous hein, votre... Prenez seulement soin de garder la canette ou la bouteille à jeter dehors. Hein. Après, vous gardez juste votre canette, votre bouteille. Après, vous allez jeter dehors la poubelle. Nous reprenons nos places avec des enseignements très, très, très riches. Et le pasteur nous a laissé un support. Je vais vous dire ce qu'on va faire à la fin de ce service. Seigneur, nous voulons te recommander cette deuxième étape. Merci parce que tu continues à nous former, à nous enseigner. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains et nous nous recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous invitons le pasteur. Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'il traverse? On est dans une salle de classe, n'est-ce pas? Alors, interrogation, prenez un morceau de papier. Je vais corriger, hein? Première question. Ne trichez pas. Donnez la signification de ces mots de points. Ergates. Ne trichez pas. La définition du mot ergates. On va corriger ensemble directement. Deuxième mot. Mamlaka. Deuxième question. L'interro, on l'a fait en 5 minutes. Hein? Faites la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Faites la différence entre royaume de Dieu et royaume des cieux. Celui qui réussira, il aura un prix. Troisième question. Comment expliquez-vous ces phrases? Première phrase. Le royaume des cieux est inclusif maintenant et exclusif demain. Le royaume des cieux est inclusif maintenant et exclusif demain. Deuxièmement, servir par amour et non par contrainte. Comment vous expliquez ça? Dernière question. Avec vos propres exemples tirés de la Bible, bien sûr, hein? Avec vos propres exemples tirés de la Bible, expliquez la vérité selon laquelle Dieu lui-même s'occupe des résultats. Avec vos propres exemples tirés de la Bible, expliquez la vérité selon laquelle Dieu lui-même s'occupe des résultats. Donc, regardez dans toute la Bible quelqu'un qui a servi Dieu et Dieu lui a donné des résultats. J'ai besoin de ces exemples, au moins 2 exemples. Alors l'interro, on va la faire à la fin, comme ça. Vous allez me remettre les copies et puis demain, je vais publier les résultats en plein culte. Mais c'est ça la masterclass. Il y a quelqu'un qui va fuir. Chapitre 2, Il est 11h17, on va faire un effort de... Ah, ok, d'accord, c'est bon. On peut aller jusqu'à midi moins 10, 30 minutes, c'est bon? D'accord. Trois métaphores clés utilisées par Paul pour décrire l'ouvrier. 2 Timothée 2, 1 à 9. C'est bon avec les slides. 2 Timothée 2, 1 à 9. On est déjà au chapitre 3. Non, chapitre 2. On va reprendre le texte. 2 Timothée 2, 1 à 9. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Amen. Vous remarquez donc que Paul présente ici trois modèles, trois illustrations du serviteur de Dieu ou de l'ouvrier. Comme je l'ai dit au début, Paul aurait pu choisir d'autres images, d'autres métaphores ou d'autres illustrations pour nous faire comprendre la notion de sacrifice attachée à l'ouvrier. Mais s'il a choisi ces trois, c'est avec raison, parce que ces trois illustrations, ces trois images sont parlantes et nous allons découvrir quels sont les enseignements que Paul veut nous donner à travers ces trois images. La première image ou la première métaphore, c'est l'ouvrier comme soldat du Seigneur. Ouvrier comme soldat. 2 Timothée 2, 3 à 4. Alors attention, le soldat dont Paul parle ici, ce n'est pas les Marines américaines. Ce n'est pas les phares d'essai. Parce que des fois, nous lisons la Bible avec l'arrière-plan congolais. Il suffit seulement de voir soldat, directement on voit nos militaires. Non. Le soldat dont Paul parle ici, dans l'esprit de Paul, c'est un soldat romain. Lorsque Paul, dans Éphésiens 6, est en train de parler du combat spirituel et des armes de Dieu, vous allez remarquer que dans la description de ces armes, il n'y a pas de revolver, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas de char de combat. Parce que dans la pensée de Paul, il n'est pas question du soldat moderne comme on le connaît aujourd'hui. Il parle de l'épée, il parle de la cuirasse, il parle de la ceinture, il parle d'avoir des chaussures à ses pieds. Quelqu'un va se dire, ah mais à quoi sert la chaussure? Ça a toute son importance, surtout que nous sommes en Israël. La terre palestinienne est une terre où il y a beaucoup de pierres, beaucoup de sable. C'est une terre inculte, il y a beaucoup de rochers. Il faut que les sandales soient adaptées au type de sol, parce qu'un soldat qui se blesse dans la marche, il devient déjà vulnérable. Donc les chaussures sont faites en cuir pour lui permettre de mieux adhérer au sol et de mieux faire de mouvements. Donc toute la description de l'armure du soldat que Paul nous fait dans Éphésiens 6, c'est dans un contexte du soldat romain. Et quand Paul parle ici du soldat, même si les principes sont les mêmes, ayant en tête que Paul est en train de parler d'un soldat dans le contexte romain, parce qu'à l'époque où Paul écrit, c'est Rome qui est en train de dominer. Donc ne voyez pas les soldats tels que nous le connaissons aujourd'hui avec la combinaison, sinon vous risquerez de vous perdre. Donc, À l'époque de Paul, un soldat, c'est qui? Il y a plusieurs caractéristiques du soldat. La première caractéristique, le soldat était toujours et souvent en campagne. C'était difficile de le voir comme ça, en pleine cité. Ils étaient souvent en campagne. C'est-à-dire, et ça c'est déjà très important, les soldats vivaient en retrait. Les soldats, on ne le voyait pas n'importe où, n'importe quand. Ils vivaient souvent en retrait. C'est-à-dire que les soldats, la vie du soldat était complètement détachée des distractions de la ville. Il vivait une vie détachée, déconnectée. Qui doit rester concentré? Ce que je suis en train de vous dire par rapport au soldat est très important parce que nous avons beaucoup qui sont ouvriers, mais qui ne se comportent pas comme des soldats, comme Paul le dit. Ils sont ouvriers, mais vous le voyez dans toutes les directions de la ville. Pas de temps pour Dieu, pas de temps pour se consacrer, pas de temps pour se concentrer à la mission. Ils sont là où tout le monde se trouve. Or, un soldat, c'est quelqu'un qui est complètement détaché des distractions de la vie. Deux, un soldat avait une deuxième caractéristique, c'était la discipline. Vous ne pouvez pas être soldat sans discipline. D'ailleurs, vous connaissez cette formule sacrée, on dit, la discipline est la mère des armées. Ce que je dis, vous ne le voyez pas ici, hein? Il n'y a pas. Première caractéristique, je vous ai dit que le soldat est complètement détaché des distractions. Deuxièmement, j'ai dit que le soldat, il est comment? Discipliné. Troisièmement, le soldat était totalement conscient de la mission qui lui a été confiée et pour laquelle il a été enrôlé. Totalement conscient de la mission pour laquelle il a été enrôlé et qui lui a été confiée. Quatrièmement, en temps de guerre, un soldat était prêt à sacrifier ses besoins ou ses plaisirs les plus légitimes. En temps de guerre, un soldat était prêt à sacrifier ses besoins ou ses plaisirs les plus légitimes. Comment je le sais? Il y a l'histoire d'un monsieur, un des merveilleux et valeureux soldats de David. Il s'appelle Uri. En temps de guerre, David le piège. David a une aventure avec son épouse, l'épouse d'Uri, et il piège Uri en lui disant, en le ramenant chez lui à la maison. Mais Uri, qui est tellement engagé pour la mission, tellement concentré, et il sait qu'on est en temps de guerre, ses besoins les plus légitimes, il le met de côté. Il ne rentre pas à la maison pour passer la nuit avec sa femme. Il dit, non, mon Seigneur, moi, j'irai chez moi à la maison, me réjouir avec ma femme alors que Israël est menacé. On est en temps de guerre, je ne peux pas me permettre ça. Et pourtant, c'est un besoin légitime, c'est un homme marié. Mais il dit, à cause de l'urgence, à cause de l'état d'urgence et de la guerre, ce qui était légitime pour moi, je le mets de côté pour la cause d'Israël. Alors de ces quatre caractéristiques que j'ai données, la vie du soldat peut être résumée en deux choses. Et c'est là que je rejoins mes notes. De toutes les quatre caractéristiques que je donnais, la vie du soldat peut être résumée en deux choses. Premièrement, être prêt à souffrir pour une cause. Être prêt à souffrir pour une cause. Être prêt à souffrir pour une cause. J'insiste encore, être prêt à souffrir pour une cause. Frère, est-ce que vous pouvez me prendre Hébreux chapitre 11? Donnez-moi ça à l'écran. À partir du verset 32. Hébreux 11, à partir du verset 32. Écoutez, Hébreux 11 est reconnu comme étant le chapitre des héros de la foi, n'est-ce pas? Amen. Et quel est le dénominateur commun de tous ces héros de la foi? Même si ces héros de la foi n'ont pas tous fait les mêmes exploits. Les exploits de Moïse n'étaient pas ceux d'Abraham. Les exploits de Gédéon n'étaient pas ceux d'Abel. Chaque héros de la foi a posé un acte de foi différent des autres. Mais le dénominateur commun, c'est cette phrase. C'est par la foi. Ça, c'est le mot qui est commun à tous ces héros. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Josué, c'est par la foi que Gédéon, c'est par la foi que Jephté. Même si les exploits n'ont pas eu le même contenu, mais eux tous ont manifesté la foi. C'est par la foi. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment intriguant dans Hébreux. Non, revenez à Hébreux 32. Il y a quelque chose qui est vraiment intriguant avec ce texte. C'est qu'autant on nous présente les exploits de ces héros de la foi. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont fait x, y choses. Écoutez le verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, verset 33, qui par la foi, par la foi ils ont fait quoi? Vainquir des royaumes. Ça c'est un exploit vrai ou faux? Vainquir des royaumes, vaincre un royaume, ça c'est un exploit ou un acte ordinaire? C'est un exploit. Exercer la justice, exploit. Obtenir des promesses. Fermer la gueule de lion, ça c'est qui? Samson, verset 34. Éteindre la puissance du feu, ça c'est qui? Shadrach, Meshach, Abednego. Échapper au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Ça c'est des actes étonnants. C'est des exploits. Verset 37. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ça, c'est Élisée. La tsunamite qui retrouve son fils à cause du ministère d'Élisée. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est là que ça commence à gâter un peu. On quitte l'épisode où on échappe au tranchant de l'épée, on guérit des maladies. On quitte l'épisode où on ferme la gueule des lions. On quitte l'épisode où on était la puissance de feu. On est dans l'épisode où maintenant, on est livré au tourment. Être livré au tourment, c'est aussi un exploit. Hein? Mais ça fait partie des héros. Être héros de la foi, ce n'est pas seulement fermer la gueule des lions. C'est aussi être livré au tourment. On dit, verset 36, « D'autres subirent les moqueries et les fouets. » C'est aussi dans Hébreux 11, hein? Les chaînes et la prison. C'est aussi dans Hébreux 11. Hein? Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres. dénué de tout, persécuté, maltraité. C'est aussi la foi, hein? Ça, c'est la face B du ministère. Ça, c'est la face B de l'œuvre. L'œuvre, ce n'est pas seulement éteindre le feu. L'œuvre, c'est aussi passer par le feu. L'œuvre, ce n'est pas seulement être guéri de la maladie. L'œuvre, c'est aussi souffrir de la maladie. L'œuvre, ce n'est pas seulement obtenir la délivrance. L'œuvre, c'est aussi être lapidé. Amen et Kiki, hein? C'est-à-dire quoi? La deuxième partie d'Hébreux 11 ne nous présente pas des avantages. Ça nous présente la souffrance. Et la souffrance fait partie de l'œuvre. Je sais que nous aimons servir Dieu dans l'opulence, servir Dieu dans le confort, mais il arrive des moments dans le service pour Dieu, comme soldat, nous devons être prêts à souffrir. Que dire de ce serviteur de Dieu aimant le Seigneur, engagé, mais marié depuis 10 ans sans enfant? Souffrance. Que dire de ce frère qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, fidèle, mais au travail, les choses n'évoluent pas, c'est une souffrance. Que dire de cette sœur qui aime le Seigneur, courtisée ici et là, mais à cause des promesses de Dieu, elle s'égare et dit: je ne vais pas me compromettre, j'accepte de tout manquer, mais je ne vais pas trahir la race. Souffrance. Que dire de cet homme qui travaille quelque part où on détourne des fonds? On lui présente 10 millions de dollars, on lui dit: signe seulement, tu auras ta part. Mais il dit: je suis enfant de Dieu, je ne ferai pas ça. Son salaire est à peine 2 000 $, à peine 800 $, mais il doit signer pour une affaire de 10 millions et on lui promet 800 000 $. Mais il dit: je préfère garder mes 800 $. Souffrance. On parlait d'une sœur qui est maintenant en province, elle était à Kinshasa. Elle a fait 4 ans sans salaire. Et les jours où finalement les choses commencent à sourire un peu, une mission de service arrive, on l'envoie. Et puis dans la mission, le chef de la délégation, voilà, il dit: voilà, il y a quelque chose, toi, signe seulement, on se le partage. Et puis après, finalement, il faut justifier. On lui dit: non, toi, ne t'inquiète pas, nous, on va justifier. Toi, écris seulement ce qu'on va se dire. Finalement, elle se comprend que c'est de l'argent sale, c'est de pot de vin. Mais elle a dit: non, moi, je n'accepte pas. Ça lui a coûté le travail. C'est ça, être soldat, être prêt à souffrir. Être soldat, être ouvrier, signifie être prêt à perdre les avantages terrestres pour gagner le royaume de Dieu. Moïse, devenu grand, refuse les avantages de l'Égypte parce qu'il avait en vue l'opprobre de Christ. La maturité chrétienne consiste à faire un choix. Quelquefois, vous devez choisir de tout perdre pour le Seigneur. Comme soldats de Christ, nous combattons pour lui et avec lui. Et vous devez noter que le travail et le combat sont indissociables. 1 Timothée 4, verset 10. 1 Timothée 4, 10. C'est ici. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Mais j'ai aimé ça. Nous travaillons et nous combattons. Ça veut dire, à un moment donné, l'œuvre de Dieu va nous engager dans un combat. Nous travaillons et nous combattons. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura plusieurs combats, plusieurs souffrances. Malheureusement, nous, les croyants, pasteurs, nous ne connaissons qu'une seule dimension de combat. Quand dans l'église, on parle de combat, les gens ne voient que combat spirituel. Nakosi. En swahili, ça veut dire quoi? Quand je dis Nakosi en swahili, comment ça se dit? Minalanda. Minalanda. Minalanda. Voyez comment ça passe en moi, Swahili, pour l'année prochaine, quand je vais revenir par la grâce de Dieu, que je vous prêche en Swahili. J'aime tellement cette langue. Ma femme est du Sud Kivu, ne vous en faites pas. Elle essaie de me parler en swahili, mais l'esprit est bien disposé, mais les oreilles sont faibles. Alors, j'aimerais vous dire que dans la vie du chrétien, il n'y a pas que les combats contre les démons. Le chrétien a au moins 6 combats. Notez-le. Le premier combat du chrétien, c'est le combat contre sa propre chair. Nous ignorons ce combat. Nous, on voit seulement les démons, mais nous ne savons pas que nous avons un adversaire en nous, notre propre chair. Luc 9, verset 23. Le combat contre la chair, ça c'est le premier combat du croyant. Et quand on dit ouvrier en tant que soldat, vous devez être prêt à assujettir votre chair. C'est votre premier champ de bataille. C'est votre premier champ de bataille. C'est notre premier champ de bataille. Si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire l'expression venir après moi ici, attention, Jésus veut parler du service ou du discipola. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit un maître. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, suivre mes voies, être engagé comme disciple, il y a deux choses qu'il doit faire. La première, qu'il renonce à lui-même. La deuxième, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Quelqu'un dit après moi, chaque jour. Chaque jour. On ne se charge pas de sa croix que le jour où on a cru au Seigneur. C'est chaque jour. Laissez-moi vous dire, il existe une croix pour Jésus, il existe aussi une croix pour vous. La croix de Jésus, c'est la croix qui nous a sauvés tous. Votre croix, c'est tout ce à quoi vous devez renoncer tous les jours. Et ce n'est pas Jésus qui portera cette croix à votre place. De même que nous, on ne peut pas porter la croix de Jésus, Jésus aussi ne peut pas porter la nôtre. Il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Jésus ne dit pas qu'il me laisse, je vais prendre la croix à sa place. Jésus dit lui-même qu'il se charge de sa croix. Dis à ton voisin, toi-même, Meme Kulusunu, Meme Kulusunayo. Comment on dit ça en swahili? Porte ça, charge-toi de ta croix. Hein, comme vous avez dit là. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de nous a sa croix. Charge-toi de ça. Personne ne prendra la croix de son voisin. Pour quelqu'un, sa croix, c'est l'argent. Lui, il peut voler tout. Papa, on a envoyé un frère. Je ne sais pas, il y a combien de communes ici. La commune la plus éloignée, c'est laquelle? La commune qui est un peu plus loin de là où nous sommes. Panda. On a envoyé un frère à Panda pour aller déposer 100 dollars. C'est un exemple que je donne. On est en 2001. Jusqu'aujourd'hui, en 2025, il n'est pas encore arrivé. Pour aller déposer 100 dollars. Vous voyez, niveau escroquerie Moutoza Nango. Ça dit que l'argent, il ne sait pas dominer l'argent. Chargez-vous de votre croix. Pour quelqu'un d'autre, sa croix, c'est la colère. Ça l'empêche de servir Dieu en toute liberté. Galates chapitre 5, verset 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ce que l'esprit veut, la chair ne le veut pas. Ce que la chair veut, l'esprit ne le veut pas. Si vous voulez être un chrétien maximum, il faut vivre selon l'esprit et non selon la chair. La chair doit être gérée, dominée. C'est pourquoi le premier combat du croyant, c'est contre ses désirs, c'est contre ses tendances, c'est contre lui-même. Ici, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord les démons, c'est votre propre chair. Satan vient seulement pour stimuler votre chair. Deuxième combat. C'est ce que j'appelle le combat contre l'esprit du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde n'est pas mauvais, mais dans le monde il y a un esprit. Et beaucoup de gens ne savent pas que cet esprit du monde est un grand blocage pour nous. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Jean commence maintenant à citer en quoi consiste cet esprit du monde. Il dit, tout ce qui est dans le monde, 1, la convoitise de la chair, 2, la convoitise des yeux, 3, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Voilà les trois choses qui caractérisent l'esprit du monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses combattent l'ouvrier du Seigneur. Troisième combat, c'est ce que j'appelle le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le bon combat de la foi, c'est le combat qui consiste à garder la foi du début à la fin. C'est le combat de la persévérance dans la foi. Combat qui consiste à garder la foi du début à la fin. Combat de la persévérance. Malgré les épreuves, on reste dans la foi, on demeure dans la foi. Quatrième combat. Quatrième ou cinquième? Quatrième. Quatrième combat, c'est ce que j'appelle le combat au milieu des souffrances. Hébreux 10, 32 à 33. Le combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et ces souffrances peuvent prendre plusieurs formes dans la vie d'un croyant. Ça peut être une persécution au travail, à la maison. Ça peut être une humiliation. Ça peut être les calomnies de la part des uns et des autres. Les gens ne font que vous critiquer, des fausses accusations. Ça peut être aussi les injustices. C'est un combat. Votre âme souffre à cause de ça. À l'occasion de rien, on vous calomnie, on vous critique, on vous accuse faussement. Mais vous devez garder la foi au milieu de tout ça. Mais je bénis Dieu parce que Dieu vous justifiera. Le sixième combat, c'est le combat pour l'évangile. Cinquième, combat pour l'évangile. 1 Timothée 2, 1 à 2. Prenons aussi Philippiens 1, verset 12. Ce combat consiste à affronter l'hostilité des incroyants et du système établi afin de proclamer la bonne nouvelle. Certaines personnes doivent vraiment combattre pour l'évangile. Surtout dans certains endroits où l'évangile n'est pas autorisé. On ne peut pas prêcher Jésus. Tu prêches Jésus, on t'emprisonne. Moi, une fois, je devais me retrouver en Inde, il y a quelques années. Je devais partir uniquement, c'était pour des soins. Mais quand on m'a reçu, il y avait beaucoup de questions. Surtout que dans mon passeport, la profession c'est pasteur. On m'a retenu, on m'a dit, mais toi tu ne viens pas ici pour évangéliser les Indiens. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester avec leur Dieu. Et puis j'ai vu toutes sortes de dieux. J'ai vu des dieux en forme d'éléphants, des dieux en forme des antilopes. N'amène pas l'évangile ici. Il faut combattre pour l'évangile. Et enfin, c'est le combat préféré de plus, le combat spirituel. C'est le sixième. Ça, c'est le combat préféré. Le combat spirituel est un combat dans lequel les enjeux, ainsi que les adversaires, sont spirituels et non physiques. Il s'agit du combat mené contre Satan, les principautés, les dominations et les princes de ce monde dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous en parle. Mais vous voyez, vous pouvez gagner la bataille spirituelle, vous gagnez le combat spirituel, vous chassez les sorciers, vous chassez les occultistes, vous chassez tous les démons. Mais si vous n'avez pas combattu contre votre chair, Satan aura toujours une occasion de revenir. Donc dans la vie du chrétien, il n'y a pas que le combat spirituel, il y a tout ce combat que vous devez mener et Dieu nous fera toujours triompher en Christ. La deuxième chose par rapport aux soldats, j'ai dit la première chose, un soldat doit être prêt à souffrir. La deuxième chose, un soldat doit être concentré sur sa mission. Je vous ai dit que le soldat avait quatre caractéristiques. J'ai résumé ces quatre caractéristiques en deux choses principales. La première chose, être un soldat, c'est être prêt à souffrir. Et en tant qu'ouvrier, lorsque Paul nous compare aux soldats, Paul veut nous dire, il y a une dimension d'acceptation de la souffrance. Et deuxièmement, c'est la concentration sur la mission. Comme soldats de Christ, nous devons en deuxième lieu être à la disposition du Seigneur et nous mettre au dernier rang les problèmes de la vie quotidienne. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles j'apprécie beaucoup les États-Unis d'Amérique et je voudrais vraiment que notre nation s'en serve aussi comme exemple. J'ai un de mes fils qui est aujourd'hui aux États-Unis, il fait partie des Marines. Mais il m'a parlé un peu de comment les choses sont organisées là-bas. Il m'a parlé un peu des avantages qu'ils ont. Au moment où je parle, il a été détaché vers l'Asie. Ils sont presque en plein désert. Hein? Mais là, dans le désert, ils ont l'Internet, ils ont l'électricité. Ils sont pas coupés du monde. C'est vrai qu'ils sont concentrés parce qu'il y a une mission. Mais on leur a mis dans des conditions telles qu'ils ne sont pas coupés. Ils reçoivent le courrier de leurs épouses. Et puis il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que avant de partir à cette mission, ils ont signé des documents et l'État américain leur a donné des grandes garanties. Parce que plus la mission est coûteuse, périlleuse et dangereuse, plus forte est la rémunération. C'est comme ça. Ça dit que s'ils t'envoient en territoire ennemi, ils savent que tu peux laisser ta peau à tout moment. Il ne te paye pas comme le militaire qui est ici. Et quand il m'a parlé des avantages, il m'a parlé, je lui ai dit, petit, ce n'est pas à cause de ça que tu as accepté les dangers. Il m'a dit, oui papa, j'ai pris seulement pour que là où on est, Bitoumbe Komate, ça regarde des airs pendant... Il a déjà fait plus de 9 mois dans ce désert. Il me dit, papa, jusque là ça va, il n'y a pas d'ennemis, on se réveille juste, on est seulement en train de s'entraîner, on est seulement... Bon, même s'il n'y a pas d'ennemis, vous êtes en train de veiller. Parce qu'à tout moment, ça peut chauffer. Mais avant de partir, même si c'est qu'il va passer 9 mois, une année, quel argent! Je ne peux pas vous dévoiler la somme, mais c'est terrible. C'est terrible. Vous imaginez, ça c'est un exemple que je donne, pour une mission où vous allez simplement faire 10 jours, en territoire ennemi, on vous donne 800 000. Pasteur, 800 000 francs congolais ou bien 800 000? Mais vous voyez, plus le danger est élevé, plus la prise en charge est conséquence. Maintenant, la bonne nouvelle avec Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes en permanence en territoire étranger, ici. Le monde n'est pas notre patrie. Nous sommes en permanence en territoire ennemi. Imaginez maintenant la prise en charge divine. Amen. Donc j'étais en train de dire que le militaire qui est en territoire ennemi, il doit être concentré sur sa mission. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement américain... Le gouvernement américain sait que pour qu'il reste concentré sur sa mission, il faut absolument que nous puissions nous occuper des problèmes quotidiens de sa vie. C'est-à-dire sa femme qui est restée, ses enfants qui sont restés, sa maison qui est restée. Nous lui garantissons un meilleur avenir. À telle enseigne que pendant qu'il est au front, qu'il ne pense pas, hey, on va chasser mon enfant de l'école et hey, je n'ai pas payé les loyers. Non, les problèmes quotidiens, nous on s'en occupe. Lui, il s'occupe de la mission. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi faire de la mission, laissez à Dieu vos inquiétudes et vos soucis. Il va prendre ça en charge. Vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps être envahis par les soucis de la vie. Et l'expression de Paul est très importante. Très, très importante. Paul dit, les soldats ne s'embarrassent pas dans les affaires de la vie, mais ils se consacrent entièrement à sa mission. Le verbe « s'embarrasser » que Paul utilise ici signifie « se perdre dans quelque chose ». Répétez-moi la partie où il dit « il n'est pas qui s'embarrasse, qui s'embarrasse ». Je cherche le verbe « s'embarrasser » dans 2 Timothée 2. Les soldats ne s'embarrassent pas dans les affaires de la vie, mais ils se consacrent entièrement à sa mission. Le verbe « s'embarrasser », comme je l'ai dit, littéralement, ça signifie « se perdre dans quelque chose ». L'idée, c'est quoi? C'est que le soldat qui est engagé dans la mission, il ne doit pas se perdre. Il doit rester concentré sur la mission. Et la question que je vous pose, sommes-nous concentrés? Quand nous servons Dieu comme des soldats, parce que l'image du soldat relève ces deux aspects, le sacrifice et la concentration. Lorsque nous servons Dieu, sommes-nous concentrés ou est-ce que nous les servons avec tous les soucis de la vie? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et mon Dieu qui est riche pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et sa bonté. Amen. Deuxième métaphore, l'ouvrier comme athlète. On va aller rapidement, on finit dans 10 minutes. Ouvrier comme athlète. 2 Timothée 2:5. Si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné. Non, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Encore une fois, dans le contexte de Paul, l'athlète ici, ce n'est pas nos athlètes d'aujourd'hui. Même si la pensée est la même, même si l'idée est la même, mais il faut revenir au temps de Paul. L'athlète ou le sportif au temps de Paul. Parce que, et ça c'est une information très importante pour comprendre pourquoi Paul estime que nous sommes des athlètes. Les compétitions sportive à l'époque était connue dans la Grèce antique. Et ça nous fait penser aujourd'hui à la forme des Jeux Olympiques, parce que ça commençait en Grèce. Dans la Grèce antique, tout athlète qui participait à une compétition était soumis à 3 règles. C'est pourquoi Paul dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et ces règles-là sont résumées en 3. La première règle, je suis dans la Grèce antique. La première règle, c'est que 1. Les participants devaient fournir un certificat d'origine. C'est-à-dire, vous ne participez pas à une compétition si on ne sait pas d'où vous venez. Ça, c'était la toute première règle. Ce n'est pas seulement la volonté, « Oh, moi aussi je vais courir, oh, moi aussi je vais participer à la compétition, oh, moi aussi je vais être là. » Non, la volonté c'est bien, mais l'identification. On devait savoir d'où vous venez. Et appliquer aux chrétiens, ça rejoint ma première définition. Un ouvrier c'est d'abord un croyant. Vous ne pouvez pas vous engager en tant qu'athlète dans l'œuvre du Seigneur si vous ne nous produisez pas les certificats de naissance. Vous devez naître de nouveau avant d'entrer dans la course. Vous devez naître de nouveau avant d'entrer dans la compétition. Tout celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas éligible dans la compétition. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous avez un certificat de naissance? Je parle de certificat de naissance spirituel. Êtes-vous né de nouveau? Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, au-delà du certificat, le participant devait se soumettre à un entraînement intensif de plusieurs mois. Entraînement intensif de plusieurs mois. C'est vraiment comme les Jeux Olympiques. Si la compétition c'est pour 2026, au mois de septembre, vous avez au moins 9 mois, 10 mois 11 mois pour vous préparer. La compétition pour vous, ça sera peut-être une affaire de jours ou de semaines, mais la préparation prend de mois et je dirais même des années. Ça m'enseigne quelque chose de très intéressant. C'est que la préparation est toujours plus longue que la manifestation. Dieu prend le temps de vous préparer, de vous entraîner avant de vous lâcher. Frères et sœurs, je suis en train de vous prêcher depuis dimanche. J'ai bien comptabilisé, ça m'a fait 8 prédications. Ça, c'est la 7e, pasteur. Mais ces 8 prédications, c'est pas au moment où le pasteur m'a envoyé l'invitation que j'ai commencé à préparer ces messages. Je me suis rendu compte que cet enseignement, je l'ai préparé, ça fait plus de 4 ans. Je n'ai fait qu'ajouter et prier pour avoir le mot juste par rapport à ce contexte. Parce que sinon, papa, on te donne 8 prestations. Tu prépares ça en combien de temps? Avec toutes les tâches qu'il y a. C'est pourquoi un prédicateur ne se prépare pas à la prédication. Un prédicateur se prépare pour la vie. Vous ne savez pas à quel moment on va vous solliciter. Si vous préparez le message pour prêcher, un jour, ça va sécher. Mais si vous préparez le message comme le quotidien de votre vie, même sans invitation, c'est la raison pour laquelle la vie d'un prédicateur, c'est la lecture et la méditation de la Bible. La Bible ne doit pas être un instrument de travail, la Bible doit être un manuel d'édification de tous les jours. Est-ce que vous me comprenez? La flèche peut rester dans le carquois pendant une année et ne sortir qu'une fois pour atteindre sa cible et puis après, ça rentre. Ça veut dire que la vie d'une flèche, c'est beaucoup plus dans les carquois que dehors. Et la vie d'un athlète, c'est beaucoup plus dans l'entraînement que dehors. Et la vie d'un ouvrier, c'est beaucoup plus dans la préparation, dans les entraînements. Le problème est là, les gens ne se préparent pas. Ils veulent devenir par hasard. Ils veulent être champions par hasard. On ne devient pas héros par hasard. Tout est préparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Préparez-vous. Quelqu'un a dit, le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans les dictionnaires. Mais dans la vie, le travail précède le succès. Ah oui, il a raison. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans les dictionnaires. Parce que dans les dictionnaires, S vient avant T. Mais dans la vie, le travail vient avant le succès. Ne pensez pas que vous allez réussir par hasard. Hé, Nakumi, champion. Hein? Hé, je commence à bien parler, je commence à bien prêcher, je commence à bien chanter. Il faut travailler tous les jours. Il faut bosser tous les jours. Il y a quelqu'un ici, après Moulima 30, il doit reprendre ses études de management parce que les grandes opportunités arrivent. Il y a quelqu'un qui doit perfectionner son anglais. Je vous ai donné mon exemple ici avec Mr. John. Un jour, papa, je me retrouve à l'étranger avec... à l'époque, j'avais encore 2 enfants, les 2 aînés. Et puis, ce jour-là, je suis allé au ciné avec le premier parce que le deuxième était encore bébé. On est allé au ciné et puis... moi, je ne savais pas, lui aussi. Lui non plus ne savait pas. On suivait un nouveau film, un dessin animé de Flash McQueen. Vous connaissez, non? Et puis après, le dessin animé durait 3 heures. Et puis il y avait une pause. Après 2 heures, on mettait une pause avant de continuer le film. Et pendant la pause, ils ont tout éteint. Et puis le petit, quand il a vu que tout était éteint, le petit s'est levé, il a crié, hey, le courant est parti. Hey. J'ai eu honte. Tous ces mindélés qui étaient là, ils se sont retournés. Et puis j'ai dit, oh non, ne vous en faites pas, c'est comme ça qu'on blague souvent à la maison, j'éteins, tout ça, tout ça. Faut en sauver petit. Et puis après ces jours-là, quand on est rentré, j'ai tout fait. Chaque fois qu'on voyage, on va au ciné. En tout cas, la plupart de fois. On va au ciné. Parce que je voulais l'entraîner un peu. Frères et sœurs, vous ne savez pas quel est le jour où Dieu vous donnera la plus grande opportunité de votre vie. Vous ignorez ça. Frère, le jour où Dieu va vous visiter, le ciel ne sera pas rouge, il sera bleu. Le jour où vous aurez la plus grande opportunité de votre vie, peut-être que vous n'allez pas avoir un rêve. Ça sera un jour ordinaire. Est-ce que ça sera à midi, à 16h? Toi et moi, on ignore. On se prépare toujours, on ne sait jamais. La plus grande opportunité, l'une des plus grandes, parce que je sais qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver, mais l'une des plus grandes, en tout cas, qui m'a amené jusqu'ici, en 2010, je suis juste ouvrier à la jeunesse de l'église à Philadelphie. Et ces jours-là, on m'a programmé pour intervenir à la convention annuelle des jeunes à l'église. Et ces jours-là, j'ai su que c'était mon opportunité. J'ai préparé un message. J'ai dit, Seigneur, parle à ton peuple. Et ce soir-là, il y avait celui qui est aujourd'hui notre bishop, Pasteur Ken. Il était là en train de suivre. Et Dieu s'est glorifié pendant ce message. Et après, il est allé parler de moi à l'apôtre Dallo. Il a dit, ah non, il y a un jeune homme. En tout cas, il a quelque chose de la part de Dieu. J'ai échangé avec l'apôtre Dallo et puis on m'a programmé un jeudi, on m'a programmé un autre jeudi et c'est parti comme ça jusqu'à ces 15 jours. On m'appelle pour me dire, on va te confier la responsabilité de la jeunesse. J'ai été choisi président de la jeunesse. Après, une année après, mon ministère a été reconnu. Et puis après 2022, une extension s'ouvre, on me donne l'extension. Et puis après, pasteur Désiré entend parler de moi, il m'invite à Moulima 30. Tout a commencé par quoi? Une prédication à la convention des jeunesses. Frère, vous ne savez pas, pendant que vous êtes en train de tuer les lions, quelqu'un vous voit, il ira dire à Saül, je connais un fils d'Isaïe. Même s'il ne te connaît pas vraiment, il aurait dû dire, j'ai vu. Mais le roi Linga s'est mis en je connais. Ce que vous faites dans l'anonymat, faites-le bien et même très bien. Vous ne savez pas qui vous voit. La force pour devenir public doit d'abord être cachée. Tout ce que vous faites dans le secret, Dieu le voit. Et un jour, quelqu'un parlera. Toi-même, tu seras surpris. Ah, mais moi aussi, on me connaît. Oui, ça se passe comme ça. C'est la raison pour laquelle, tel que je suis là, frère, j'ai une devise dans ma vie. Même lorsque je suis en face de 3 personnes, je prêche comme si je suis en face de 10 000 personnes. Parce que tu ne sais pas, parmi les 3 personnes, qui Dieu va utiliser. Et si les 3 personnes sont touchées, tu as atteint ton objectif. Entraînement. Entraînement. La troisième et dernière chose par rapport à l'athlète, c'est qu'il devait se soumettre au règlement en vigueur pendant la compétition. Sinon, il allait être disqualifié. Il devait se soumettre au règlement en vigueur. Sinon, il allait être disqualifié. Chaque compétition a ses règlements. Par exemple, on dit, tous les athlètes se présentent à 6 heures. Tu ne peux pas venir après 6 heures. Tous les athlètes ne doivent boire que de l'eau. Si à la place de l'eau, toi tu prends autre chose, tu vas être disqualifié. Même si personne ne le voit, les jours où on saura que tu ne te conformais pas au règlement de la compétition, même si tu avais la victoire, on pouvait te ravir la coupe. C'est comme ça, pour tricherie. Et vous savez qu'il y a un joueur comme ça qu'on a disqualifié pendant 3 ou 4 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'il s'est dopé. Je ne citerai pas son nom, mais vous savez. C'était un champion, un grand champion. Mais après, quand on s'est rendu compte qu'il s'est dopé, on s'est dit, ah, donc, tous les exploits que tu faisais là, nous, on pensait vraiment que c'était naturel alors que tu étais en train de tricher. Frère, dans la vie, ne trichez pas. Même si les résultats tardent à venir, mieux vaut que ça vienne naturellement que par des moyens préfabriqués. Amen et Kimi. Mieux vaut que ça vienne naturellement que par la tricherie. Ne trafiquez pas. C'est comme un jour, vous savez, on nous a raconté cette histoire. Le président Mobutu à l'époque, moi j'ai fini à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. Un jour, le président Mobutu est venu, il devait récompenser les professeurs. Et le président a décidé qu'on enregistre tous les professeurs parce qu'il leur avait promis des véhicules, des jeeps. Pasteur Désiré, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un professeur, je ne cite pas son nom, mais son nom commence par M. C'est un peu comme vous. Papa Désiré Mbaye. Maintenant, Lui aussi, son nom commençait par M. Mais il s'est dit en lui-même, hé, maréchal, il est allé négocier avec les secrétaires académiques. Ils ont ajouté un A avant M. Donc, s'il s'appelait Makiese, il ajoute A, Akomi, à Makiese, pour qu'il soit parmi les premiers à voir le véhicule. Mais ce jour-là, quand ils arrivent, le maréchal dit, aujourd'hui, on ne va pas commencer par les A, on va commencer par les Z. Il va encore voir le secrétaire, enlever les A. Bonsoir, c'est un combo original. J'essaie de vous dire que lorsque Dieu veut vous bénir, ne cherchez pas à l'aider. Ne cherchez pas à trafiquer. Dieu sait. Si c'est à vous, ça viendra. Mais conformons-nous au règlement. Conformons-nous à ce que Dieu nous demande de faire. Voici trois questions que j'aimerais que chacun de nous se pose en tant qu'ouvrier du Seigneur. Et je vais toucher la dernière métaphore et puis on va finir. Dans l'œuvre de Dieu, il y a trois questions différentes que chacun de nous doit toujours se poser. La première, c'est qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Cette question se trouve dans Actes 22, verset 10. Paul pose la question, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Je suis ouvrier, oui. Mais que dois-je faire? C'est quoi mon service? C'est quoi l'œuvre que je suis censé faire pour Dieu, pour être efficace? La deuxième question qu'il faut toujours se poser, c'est quand dois-je le faire? Si j'identifie ce que je dois faire, je dois identifier quand, le moment. Les amis de la chorale, alléluia. Alléluia. Amen. Vos répétitions, c'est quand? Vous répétez quel jour? Les mardis, jeudi et samedi. De quelle heure à quelle heure? De 17h à 19h. Est-ce que tout le monde est là à 17h? Il y a des justifications, hein? Oh, j'étais malade, oh, on m'a retenu au travail. Et puis, on a un qui donne toujours des justifications. Il faut savoir quand le faire. Parce que Dieu ne voit pas seulement ce que vous faites. Dieu voit aussi comment vous le faites. Dieu voit aussi quand vous le faites. Et la troisième question, c'est comment dois-je faire ce que je suis censé faire? Ici, la question, c'est la manière de servir. Il y a des gens qui font ce qu'ils doivent faire. Ils le font aussi au bon moment. Mais il n'y a pas la manière. Ils ne le font pas bien. C'est pourquoi j'aime Paul, quand il parle à Archip, il dit, rends bien le ministère qui t'a été confié. Il ne lui dit pas rends le ministère, parce qu'on peut rendre, mais on ne rend pas bien. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions bien faire les choses. Faire le ministère est une chose, mais bien faire, c'est une autre chose. Finissons avec l'ouvrier comme laboureur. Et par rapport au troisième chapitre, je vais demeurer juste une phrase, et puis on va terminer. On a vu l'ouvrier comme soldat et qu'est-ce que nous retenons? Par rapport au soldat, nous retenons deux choses. Dieu attend de nous la disponibilité, être prêt à souffrir. Il attend aussi de nous la concentration sur la mission. Et en tant qu'athlète, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le respect des règles. Et je vous ai parlé de trois règles qui permettaient à un athlète de participer à une compétition. Mais avec les laboureurs, c'est encore intéressant. J'ai vraiment aimé la logique de Paul. De Timothée 2,6, il dit, il faut que les laboureurs travaillent premièrement pour qu'ils jouissent de fruits ensuite. Encore une fois, nous sommes dans la pensée du laboureur à l'époque de Paul. Mais voici ce qui est intéressant avec les laboureurs. Je ne sais pas, papa Désiré, si vous l'avez vu. Un frère Crispin. J'ai retenu le nom, hein? Je ne sais pas si vous avez bien vu ça. La première métaphore, c'est soldat. N'est-ce pas? Deuxième métaphore, c'est athlète. Troisième métaphore, c'est laboureur. Maintenant, regardez, il y a quelque chose d'intéressant avec les laboureurs. Et je pense que c'est pour ça que Paul a fini avec les laboureurs. Le soldat, même s'il est appelé à combattre, le soldat n'est jamais seul. Il est toujours entouré des amis, des autres, qui peuvent l'encourager quand il est découragé. Le soldat œuvre, mais il œuvre dans un contexte d'unité. C'est pourquoi souvent le soldat évolue en légion. Même quand il va au front, on n'envoie jamais un soldat au front seul. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on envoie un soldat au front, c'est soit une unité, soit légion. Il y a toujours un groupe. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit deux, trois ou plusieurs. Dans ce sens-là, l'ouvrier comme soldat, même s'il a des difficultés, même s'il est appelé à souffrir, mais il est quand même encouragé par les autres autour de lui. S'il se blesse, un autre peut venir l'aider. L'athlète aussi, il n'est pas seul. Dans une compétition, il a des adversaires, mais il est dans une arène où il y a des spectateurs qui l'encouragent. Il n'est pas seul. Même quand il est faible, il y a toujours quelqu'un là-bas qui dit « Oh, vas-y, on est avec toi ». Un peu comme quand nos léopards ont joué ici. « Ah, Bakambu, vas-y !» Moi-même, quand il a marqué le but, j'étais en train de crier, même s'il ne m'entendait pas. Mais l'athlète est encouragé par le public. Mais le laboureur est encouragé par qui ? Il est seul. Quand il va au champ, il est seul. Des fois, il va parcourir des hectares et des hectares. Il est seul. C'est pourquoi l'image du laboureur ici veut montrer le côté solitude dans le travail. On est seul, mais avec Dieu. Le mot « travailler » que Paul utilise ici est très important. Il dit « il faut que les laboureurs travaillent premièrement ». Le mot « travailler » ici veut dire « galérer ». Vous savez, si on t'a dit aujourd'hui, hey, « hé frère, oh, galérer hein, », tu penses qu'on t'a insulté. C'est ça le problème avec nous. C'est qu'on a déformé. Galérer ne signifie pas une mauvaise chose. Un jour, je rencontre quelqu'un, je dis, « Mon frère, comment tu vas bien ?»« Ah, pas ça, non, galérer. » Ça dit, « Non, kemba. » Ça dit, « Non, souffrir. » Non. C'est vrai qu'il y a l'idée de souffrance, mais c'est pas dans un mauvais sens. Regardez, la galère était... À l'époque, lorsque un esclave, un prisonnier était condamné à mort, ou plutôt à prison, ou encore à la galère était une sorte de travaux forcés. À défaut de te tuer, on te condamne aux travaux forcés. Et les travaux forcés de ces prisonniers se faisaient dans la galère. La galère, c'est la dernière partie d'un navire. Et dans la dernière partie des navires, il y avait toujours des prisonniers qui étaient enchaînés. Ils étaient assis et c'est eux qui propulsaient le navire. Vous voyez un peu ça? Ce travail-là qu'ils faisaient pour propulser, sans salaire, sans rien, c'est ça qu'on appelait la galère. Parce que la galère, c'est le fait que tu travailles, tu transpires, mais après tu n'as rien. C'est un travail forcé, à défaut de mourir. Et quand Paul dit travailler, il faut que les laboureurs travaillent. Ça dit que pendant que tu es en train de s'aimer, tu galères. La sueur est là, tu transpires, tu n'as rien tout de suite. Tu sèmes pour récolter peut-être après 5 mois. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 5 mois? Qu'est-ce que tu manges pendant 5 mois? Rien du tout. Et l'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est qu'en tant qu'ouvrier du Seigneur, ne nous attendons pas à la rémunération tout de suite. Travaillons d'abord. La récompense ensuite. Et je vous dis que ça viendra certainement. Donc l'idée ici, c'est l'idée des efforts. Il faut souligner ça. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on est ouvrier avec Dieu, même lorsqu'on est avec Dieu, Dieu fera le travail à notre place. Non, c'est faux. Travailler avec Dieu ne signifie pas croiser les bras. Travailler avec Dieu signifie que Dieu vous accompagne, mais il y a une partie de vos efforts. Frère, la grâce est une autre chose. La grâce signifie que le salut, vous ne le méritez pas. La grâce n'exclut pas le travail de l'homme. Et j'aimerais vous dire, Dieu aime les travailleurs. Il est celui qui fournit la semence aux semeurs. Dieu ne fournit pas la semence aux paresseux. Dieu fournit la semence à ceux qui sèment. Et si vous êtes un travailleur, Dieu vous donnera plus. Regardez la parabole des talents. Celui qui avait 5, il a fructifié. Dieu lui a donné encore plus. Il y a des gens à qui Dieu a donné, ils ne font rien avec ce que Dieu leur a donné, mais ils attendent que Dieu ajoute encore. Dieu ne gaspille pas. Quand ils viendront, ils vous disent, bon, toi je t'avais donné en 2010, je t'avais donné tel don, je t'avais donné telle capacité. Tu en as fait quoi? Tu veux que j'ajoute, mais qu'est-ce que tu as fait déjà avec ce que je t'ai donné? Pour que Dieu ajoute, il faut que ce qu'il a donné puisse être utilisé. Travailler signifie faire des efforts à la sueur de son front. À cette époque-là, l'agriculteur devait travailler très dur sur les champs jusqu'à ce qu'il puisse moissonner quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle à travailler d'arrache-pied dans sa moisson. Finissons avec le troisième chapitre. Je parlerai en 2-3 minutes. Quelles sont les attentes de Dieu concernant les ouvriers? Je vais vous donner un seul texte. 1 Corinthiens 4, 1 à 4, Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais écoutez maintenant la partie attente de Dieu. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, d'autres versions disent, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est 1 Corinthiens 4, donnez-nous ça. Ce n'est pas dans les notes, hein? Je n'avais pas inséré ça. Mais prenez seulement dans la Bible 1 Corinthiens 4, 1 à 4. 1 Corinthiens 4. Toi, tu as mis 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 1. Voilà. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. J'aime ça. D'un côté, on est serviteur, mais de l'autre côté, on dispense le mystère de Dieu. On avance. Du reste, ce qu'on demande, dans d'autres versions, on dit ce qu'on attend, ce qu'on exige des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est la première attente, la fidélité dans les services. C'est que chacun soit trouvé fidèle, fidèle, fidèle. Je n'ai pas le temps de commenter, mais notez que être fidèle, c'est remplir correctement les exigences de son travail. Remplir correctement les exigences de son travail. Si dans ton travail, on te demande de faire ABC, tu ne fais pas AB. Tu ne fais pas DC, D et K. Non, tu fais exactement ce qu'on attend de toi. Tu peux faire plus, il n'y a pas de problème. Mais il faut que dans ce qu'on te demande, que tu fasses ce qu'on a exigé. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui travaillent, il y a toujours ce qu'on appelle le job description. Quelqu'un connaît ça, non? Le job description décrit les tâches qu'on attend. C'est-à-dire, lorsqu'on va t'évaluer, on va t'évaluer sur base des tâches qu'on t'a confiées. On t'avait par exemple dit, on te donne ce travail, chaque mois on attend de toi une production de 500 tonnes. Chaque mois on attend de toi telle ou telle autre chose. Quand on va t'évaluer, on tiendra compte des tâches qu'on t'a confiées. Et ta fidélité, c'est le fait que tu as rempli exactement ce qu'on attendait de toi. C'est ça un bon serviteur. On ne te demande pas d'abord les excès, non. On ne te demande pas d'abord de faire ce qui n'est pas exigé. Si tu peux faire plus, gloire à Dieu. Mais fais d'abord ce qu'on t'a demandé. Regardez, celui à qui on avait donné 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fructifier 5 et Jésus lui dit à la fin, tu as été fidèle en peu de choses. Ça signifie quoi? Je t'avais donné 5, tu t'es concentré sur les 5. Il aurait pu faire plus de 5, il aurait pu faire 10, il aurait pu faire 20. Ça, c'est le surplus. La fidélité, ce n'est pas d'abord dans le plus. La fidélité, c'est d'abord dans ce qu'on t'a demandé de faire. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens, lorsque Jésus reviendra, beaucoup seront surpris par rapport à ça. Ils sont dans les extras sans faire ce qu'on attendait d'eux. Ils sont en train de faire autre chose. La question qu'il faut se poser, serviteurs de Dieu, nous qui sommes ici, qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Sommes-nous en train de faire ce qu'il a dit? Ou nous sommes à côté? Deuxième attente, l'avant-dernière et puis on va finir. C'est la motivation dans ce que l'on fait. La motivation. Le problème avec beaucoup d'ouvriers, c'est qu'ils sont dans l'œuvre, mais ils ne sont pas motivés. Le Seigneur n'attend pas seulement que nous puissions faire. Il attend que nous puissions bien faire, que nous soyons motivés. Avant de terminer, un jour, je crois que j'étais rentré à la maison et puis on m'a servi à manger, mais j'ai mangé, j'étais pas joyeux. Et puis mon épouse m'a dit, mais tu es en train de manger dans un monosolien et singotin. Oh, il y a une motivation, t'es parce que elle sait comment j'aime manger avec motivation. C'est-à-dire que moi, tu ne peux pas me mettre deux boules et puis avec le sombé et le ndakala que j'aime. Et puis après 30 minutes, c'est seulement au même niveau. Ça, ce n'est pas moi. Même quand je suis malade, il faut que je puisse me concentrer. Parce que le verbe manger, c'est un verbe important. Jésus lui-même a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Mais elle m'a mis, elle s'est rendue compte que ça ne bouge pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais pas motivé parce que j'avais pas eu une bonne nouvelle. On m'a annoncé que quelqu'un qui m'était proche était malade. J'ai mangé, mais elle a senti que ça n'a rien à y être. Beaucoup de gens font l'œuvre de Dieu comme ça. Ils font malgré eux. Dieu regarde et dit, ah, celui-là, il me sert, mais il n'y a pas la motivation. Il vient me servir seulement parce que on lui a demandé, mais ça ne vient pas de lui-même. Ça ne vient pas de lui-même. Frère, ma prière ce soir, c'est que nous puissions servir Dieu avec passion. Que quand c'est l'heure d'aller servir, qu'on sente la... Papa Désiré, j'ai vu les gens être excités le jour du match contre le Sénégal. Oh là là là là là là. Le match, c'était à 17h. Mais à 14h, les stades de martyrs étaient pleins. Les gens commençaient à chanter depuis 14h. Il y a même un chant qu'on chante jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ce que ça signifie. Ils chantaient, les gens enlevaient les habits, les gens criaient. Et puis quand les léopards sont entrés, ils ont chanté. Et puis quand on nous a marqué le troisième but, on a perdu, il n'y avait plus de chant. On est sortis déçus. On était là depuis 12h, 14h, chantant pour une équipe qui a perdu à la fin. Mais c'est nos valeureux léopards, on les aime quand même parce que ça peut arriver. Mais ici, je vous parle d'un Dieu qui ne perdra jamais, frères et sœurs. Il suffit de voir comment les gens viennent à l'église, pas de passion. Regardez les gens pendant les cultes, pas de passion. Un jour, j'ai reproché à un frère, j'ai dit, mais frère, mais comment tout le monde adore toi, tu es en train de regarder les gens? Oh, Lucanini, il y a des gens qui ne prient pas. C'est comme s'ils sont inspecteurs de Dieu. Nous, on est en train d'adorer, lui, il est en train de nous regarder, en train de voir. Et maintenant, il faut donner au modérateur. Frère, on est en train de prier, commence à battre les mains. Lui, il ne bat jamais les mains, il vous regarde. Ça, c'est la sorcellerie, frère. On n'est pas ici pour voir la chorale chanter. On n'est pas ici pour voir les prédicateurs. On est dans un culte participatif. Ouvrier signifie acteur. Chacun de nous vient avec son feu. Et ensemble, on allume le feu et Dieu est glorifié. On ne vient pas ici froid et puis on attend que le pasteur, c'est lui qui nous a nous allumés. Et puis regardez, c'est toujours les gens qui disent, ah, qui t'a le zagi malili, on dirait y'a zagi moto. Frère, on vient pour participer, on vient pour communier, on vient pour élever le trône. Le culte, c'est nous, c'est pas la chorale, c'est pas les pasteurs, c'est nous, frère, c'est nous. C'est pourquoi j'aime souvent à l'église, il y a toujours des gens, même si tu dis rien d'intéressant, ils se lèvent. Amen, pasteur, go deeper. Pasteur, un jour j'étais quelque part, j'ai prêché. Je n'ai rien dit. Jésus s'est ouvert la Bible. Aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu dans un Philippien, dans un Thessalonicien. Quelqu'un au fond dit, ah, oh, c'est déjà bien. Amen. Un jour j'étais dans un service prophétique. Un prophète, il se lève, il dit, il localise une maman. Il dit, maman, levez-vous. Le jeune homme qui l'accompagnait, papa, il se lève. Il dit, oh, man of God. Oh, il n'a rien dit. Et les gens les regardaient. Ils disaient, vous me regardez, je sais déjà, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Il ne tape jamais à côté. Et, je ne dis pas du fanatisme, mais dans le culte, lorsque l'un de nous est en train de travailler pour la gloire de Dieu, nous devons l'encourager. Parce qu'au début, je n'étais pas très d'accord quand on chante, et puis voilà, il y a quelqu'un qui vient, il vient. Mais après, je me suis rendu compte que c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand l'un de nous est en train d'offrir un service pour Dieu, nous devons l'encourager. Mais il y a des gens qui sont dans un culte comme des glaces. Ils sont comme morts. On dirait qu'ils ont dormi sur un arbre et puis ils viennent à l'église. Ils sont en train de nous regarder comme ça. Tout ce que nous on fait là-bas, il n'est pas là. On dirait qu'il y a un tout inspecté. Ah ben non, aujourd'hui, il est en train de valider. Aujourd'hui, chorale, zéro. Aujourd'hui, tout ça, zéro. Dieu lui-même, il ne fait pas ça. Toi, tu es qui? Pour commencer à observer les gens pendant les cultes. Prie, adore comme tout le monde. Parce que nous tous, nous sommes là pour rendre un culte pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va finir là. Je n'ai qu'un seul sujet. J'aimerais nous demander de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier dont la force aidera le royaume à aller de l'avant. Donne-moi de pouvoir être fidèle et motivé dans ce que je fais pour toi. Donne-moi de pouvoir travailler de mieux en mieux pour toi, pour faire avancer le royaume de Dieu. Aide-moi à être un ouvrier qui n'aura point à rougir. Comme un soldat, que je sois prêt à souffrir, mais aussi à me concentrer. Comme un athlète, que je sois prêt à vivre selon les règlements de la compétition. Et comme un laboureur, que je sois prêt à donner le meilleur de moi-même pour la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut prier et demander l'aide du Seigneur au nom de Jésus? Seigneur, merci. Merci parce que tu veux faire de nous des ouvriers du royaume. Et ce que nous avons entendu ce matin, cher Saint-Esprit, nous prions que tu nous fasses grâce. Non seulement à retenir, non seulement à garder, vivre cette parole. Je recommande tous ces ouvriers, tes enfants, qui ont donné leur vie à toi, qui ont compris aujourd'hui que nous devons être comme des soldats, comme des athlètes et comme des laboureurs. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut apprécier vraiment le travail? Est-ce qu'on peut apprécier à juste titre? Je disais, est-ce qu'on peut apprécier le travail de l'homme de Dieu? Oh, gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Veuillez vous asseoir. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Alléluia! Mais dans le parcours de la vie ici, Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Parce que quand ça passe à un moment donné, il faut les prendre. Et quand Dieu vous donne quelque chose, Dieu, en fait, il est l'alpha et l'oméga, ce qu'on nous dit. En fait, il termine la chose, il vient au début pour commencer à travailler avec toi afin d'atteindre ce qu'il veut. Parce qu'il est l'oméga. Donc, il a d'abord fini, et puis il vient au commencement, il travaille avec toi pour arriver à la fin. Donc Dieu a déjà fini, il a déjà vu, il vient travailler avec toi et il te donne le bagage nécessaire pour atteindre ce qu'il veut. C'est comme ça que le psaume nous dit, conduis-moi vers le rocher que je ne peux pas atteindre moi-même. Donc c'est parce que Dieu a déjà fini, il vient, il travaille avec toi, il te conduit là où tu ne peux pas atteindre, il t'amène à atteindre, il t'équipe, il te donne ce qu'il faut. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une offrande. Cette offrande, je veux vraiment que nous puissions bénir l'homme de Dieu de tout notre cœur. Et des enseignements comme ça, ce n'est pas tous les jours qu'on les a. On va mettre le panier. Grâce juste les clavéristes, non, les instrumentistes peuvent venir. Et deux ou trois personnes à la chorale, choisissez-vous. Vous-même, vous nous accompagnez par Maman Gloria. Et quelqu'un, juste les instrumentistes. Et j'aimerais que nous puissions bénir l'homme de Dieu pendant juste quelques minutes. Et puis je vais vous donner les communiqués. Il n'y a pas de protocole, comme on dit. Vous avez quelque chose pour bénir l'homme de Dieu. Le panier est là. Pour le travail des enseignements très riches. Donne tout à toi. Et les écailles de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Mène-moi aux choses simples qui démontrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Je vois, mais qui m'entoure, et je ne cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Le mot du dictionnaire, tellement grand, tout ce que tu fais, ta mon aîné, Joseph, mon aîné, Joseph. Seigneur, merci, nous bénissons ton peuple, ceux qui se sont levés cette occasion, que leur vie soit bénie et apporte quelque chose dans leur vie au nom de Jésus. Amen.